de la poudre et des balles. Voilà, il faut donner à Zelensky de la poudre et des balles. La conviction que j'ai, qu'il appartient aux Juifs, en moi, de travailler à la rédemption du reste des Juifs. De l'humanité. C'est ça être juif. Sie sollen sich hüten. Einmal wird unsere Geduld zu Ende sein und dann wird den Juden das freche Lügenmaul gestopft werden. Bonjour à tous, chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de Démocratie Participative, saison numéro 8, épisode 11. Je procède au rappel traditionnel de notre émission. Si vous le souhaitez, vous pouvez nous écrire à l'adresse suivante, dempart@dnmx.org. Je répète, dempart@dnmx.org. DNMX est un service d'email qui passe par Tor, donc vous pouvez utiliser soit le navigateur Tor, disponible gratuitement sur Internet, ou alors Tor qui est intégré dans Brave. Si vous avez le navigateur Brave, vous savez de quoi je veux parler. Mais DNMX a aussi un service en clair, même s'il est préférable d'utiliser Tor, c'est plus sûr. Le forum ELB est toujours en maintenance, malheureusement, mais c'est la loi du genre. Donc nous demandons aux forumeurs de rester patients en attendant qu'il soit rétabli. La nouvelle adresse du site en clair, c'est dempart, dempart.world, le précédent a sauté en clair en France, hein, donc vous savez que donc on a un nom de domaine en clair, c'est-à-dire disponible sur le web français, sur Google ou autre. Et qui saute tous les 15 jours celui-là, hein. Et puis ensuite on a notre Oignon Tor, ou notre Adresse Tor si vous voulez, qui est un site sur Tor qui est fixe, qui est incensurable, et donc la méthode la plus efficace de contourner la censure est de systématiquement se connecter au site en passant par ce biais-là. Donc l'adresse Tor du site est présente sur le site en clair. Donc vous avez juste qu'à le mettre dans vos favoris, dans vos navigateurs Tor, et vous en sortez. Sinon, un VPN, bien évidemment, ça permet aussi de contourner la censure. Je vous invite vivement à vous procurer un VPN, à vous abonner, hein, c'est un abonnement en général. Et voilà, donc c'est tout ceci, les rappels habituels, hein, que vous connaissez. Alors, je précise que nous sommes le 16 avril et que dans 4 jours, ce sera l'anniversaire d'Adolf Hitler. Donc je veux commencer cette émission en souhaitant un joyeux anniversaire, bien sûr, au Führer. Et je commence tout de suite en présentant les membres de la semaine. On est en équipe plus restreinte aussi, pas mal de sollicitations en ce moment. Salut Nogaret, j'espère que tu vas bien. Salut Gandalf, tout va bien. Jean aussi est avec nous, j'espère que tu vas bien, Jean. Oui, ça va, merci. Je souhaite aussi un excellent anniversaire à notre Führer bien-aimé et regretté. Oui. Et puis Sieg Heil à notre cher Adolf. C'est vrai, Sieg Heil au Führer, hein. Qui nous manque beaucoup, mais son esprit nous accompagne et on essaye de poursuivre l'œuvre, évidemment, du génie Adolf Hitler, hein, ça c'est clair. Une autre pensée aussi, puisqu'on parle d'Adolf Hitler, et par voie de conséquence, on parle de ceux qui se battent pour faire connaître son véritable combat. Je pense bien sûr à Vincent Renoir, qui est toujours en détention en Écosse, et qui se bat avec ses moyens pour résister à l'extradition purement politique que les Juifs veulent obtenir des autorités écossaises et de la justice écossaise. Donc ça suit son cours, je ne sais pas ce qu'il adviendra, on a vu que le dossier premier était très faible, malgré tous les efforts des comment dirais-je du gouvernement juif en France, et que bon, ils ont rajouté de nouveaux éléments à charge pour essayer de donc littéralement une deuxième demande d'extradition se cumulant la première, puisque en fait ils se rendent compte hein, que c'est très faible. Donc c'est un scandale en soi, j'ai déjà dit mais je le répète hein, jusqu'à preuve du contraire, ce pourquoi il était poursuivi en Écosse n'est pas illégal, mais bon voilà, on l'a placé en détention pour quelque chose qui, je le répète encore une fois, n'est pas illégal en Écosse. Et là-dessus, il y a peut-être 2 semaines, ils ont rajouté une nouvelle accusation sortie de nulle part, tout aussi fragile, mais là c'est l'accusation de racisme, vous connaissez tout ça. Donc une pensée évidemment à Vincent Renoir, et le 20 avril, ce sera à la fois une pensée pour le Führer, bien sûr, mais aussi pour Vincent, hein, c'est tout à fait clair. Chers amis, je vous propose de remercier nos donateurs. Alors, démocratie participative, forum inclus, site bien évidemment, et puis si vous appréciez l'émission aussi, ça ne fonctionne que par la bonne volonté de ceux qui nous écoutent, de qui nous lisent. Donc, si vous souhaitez nous permettre de continuer à résister à cette censure permanente, à ce harcèlement permanent de la part des juifs, eh bien, faites-nous un petit don en Monero exclusivement, puisqu'on n'utilise que cette crypto pour le faire, grâce à l'anonymat qu'elle offre à ceux qui réalisent des transactions. Donc c'est quand même appréciable de ne pas avoir son identité dévoilée, ni le montant des sommes en question dévoilées. Si vous n'êtes pas trop familier, vous pouvez vous référer à notre tutoriel qui est présent sur notre site à droite, ou par vous-même, notamment sur YouTube, trouver un tuto qui vous explique comment utiliser Monero. C'est assez simple, hein. Si vous accordez une heure et demie pour maîtriser bien tout ça, c'est à peu près le temps que ça prend. Voilà, il n'y a rien de très sorcier, hein, je vous assure. Et c'est utile d'une manière générale, hein, je veux dire, c'est pas que pour notre site. Alors, si vous souhaitez nous soutenir, faites-nous un petit don, on ne dépend que de votre soutien pour fonctionner. Il n'y a pas de subvention par chez nous, hélas. Mais c'est aussi ça, le gage de la liberté, je dirais. Alors, premier don. T'as pas touché des sous du fonds Marianne ? Non, malheureusement. Mais bon, j'avais peut-être pas le bon profil. Mais si jamais il y a une révolution et qu'il crée un fonds, justement, un fonds Joseph Goebbels, peut-être qu'à ce moment-là, je tenterai un projet. Mais bon, là je t'avoue, j'étais pas dans les clous du cahier des charges du fonds Marianne. J'étais pas dans le. Non, j'étais pas. Ouais. Dommage pour moi. Donc merci à tous les donateurs qui sont anonymes et qui tiennent à leur rester et qui ne nous envoient pas de messages, mais ceux qui le souhaitent nous envoient un petit message aussi pour confirmation de don par email, et on vous répondra. Ça peut prendre un peu de temps, mais ne nous en voulez pas. Et donc cette semaine j'ai un don, en tout cas qui a été signifié par courriel. C'est Doc qui nous écrit ceci. Salut à vous camarades participatifs, voici ma contribution à hauteur de 0,74 Monero pour le mois d'avril. Bien évidemment une pensée pour Vincent, mais aussi une amicale salutation à mon confrère Doc, oui Doctor en fait, hein, récemment arrivé parmi notre équipe favorite de réinformation et dont les interventions sont appréciées, et enfin un espoir bientôt de voir ressurgir le meilleur forum francophone d'écologie. Oui, espérons. Racialement vôtre, Doc. Alors, merci Doc, bien sûr, et merci à tous les donateurs de manière générale. Oui, le fonds Marianne, alors, comme tu en as parlé brièvement, un petit topo là-dessus en passant. Donc, le fonds Marianne, en fait, c'est ce maquis, si vous voulez, de corruption légalisée qui existe en France au nom de la subvention. C'est-à-dire qu'en fait, la subvention, c'est quoi ? C'est le droit pour les hommes politiques d'acheter de l'influence, ni plus ni moins. Donc, ils donnent de l'argent qui ne leur appartient pas, parce que c'est l'argent des contribuables. Ils le donnent aux associations qui veulent. Évidemment, associations qui sont toujours politisées, à un degré ou à un autre. Et le fonds Marianne, c'est ça, mais de manière caricaturale. Donc, en fait, Marlène Schiappa était à un moment au gouvernement. Elle avait un secrétaire, je crois, à l'égalité, enfin, encore un bidule néo-marxiste, dans lequel, en fait, elle se donnait en spectacle. Elle vendait du féminisme débile à la télé, enfin vous connaissez tout ça. Et en fait, on lui avait donné, enfin Macron lui avait donné une petite cassette avec de l'argent dedans, en disant bah voilà, tu distribues ça à tes copains, voilà, et en échange il dit du bien de moi. Voilà, donc je crois que là, dans la cassette en question, il y avait quelques millions d'euros et c'était distribué de manière relativement discrétionnaire aux amis de Marlène Schiappa. Alors en fait, bon, ils n'ont pas brillé par l'originalité parce qu'en fait, c'est tous ceux qui tournaient autour de cette organisation qui s'appelle le Printemps Républicain, qui se voulait une espèce d'organisation de propagande pro-régime, pro-république, pro-laïcité, enfin pro-athéisme juif, parce que je le précise, évidemment, la laïcité, c'est l'athéisme pour les autres, pas pour les Hébreux, hein. Et donc, tous ceux qui avaient plus ou moins une activité à caractère religieux étaient soupçonnés d'être des sécessionnistes, d'être des séparatistes, comme on dit aujourd'hui. Alors, c'était les musulmans, mais pas uniquement, hein. Et on découvrait que les bénéficiaires de ça, bah, c'était les copains du printemps républicain. Printemps républicain qui est placé sous le patronage de Bernard-Henri Lévy, de Caroline Fourest, qui évolue dans la roue de Charlie Hebdo, et dans lequel on retrouve énormément de Maghrébins. On retrouve beaucoup de Maghrébins qui sont des Maghrébins cooptés par le régime pour jouer les premiers élèves de la classe. C'est-à-dire que, bon, on sait très bien qu'ils ne sont pas représentatifs, mais c'est ceux qu'on met en avant. Bon, vieille tactique de contre-insurrection, je ne vais pas m'arrêter là-dessus. Et donc voilà, ils ont distribué de l'argent aux copains. Alors il y a des gens de Conspiracy Watch, donc les juifs Reichstag, et puis encore quelques rabbins dans le truc qui ont touché. Bon, il y a toute une série comme ça. Et là, bon, ça commence à sentir un peu bizarre parce qu'ils ont été voir de plus près ce qui a été fait avec l'argent. Parce que en fait, c'est du détournement de fonds maquillé en réalité. Donc ils font semblant de faire quelque chose en échange des fonds. Et quand on va voir les soi-disant missions qu'ils ont remplies, on se rend compte qu'il n'y a rien. Donc vous découvrez qu'il y a des gens qui ont reçu des centaines de milliers d'euros pour faire des vidéos sur YouTube, qui ont fait, je crois, pas 100 ou 200 vues, quoi. C'est des trucs dérisoires. Et voilà. Donc, mais ce n'est pas spécifique à ce fonds-là. Les subventions, c'est généralisé. C'est au niveau des départements, des communes, des régions, au niveau de l'État, bien évidemment. Voilà, c'est bon. Et après les gens se demandent, mais c'est bizarre, on est criblé de dettes et on paye un maximum d'impôts. Bah oui, bah les politiciens se servent de votre fric pour acheter leurs élections, tout simplement, hein. Voilà. Donc c'était ça la petite allusion de Jean en début d'émission. Et donc voilà, c'est comme ça que ça va. Et en plus, ça fait parler, mais c'est que 2 millions d'euros. Donc ramener. Aux 2 ou 3 millions d'euros, je ne sais pas, mais ramener à la totalité des subventions qui sont gaspillées partout, c'est une goutte d'eau dans l'océan, hein. C'est vraiment l'argent qui est comme ça distribué de la main à la main. Voilà, moi j'estime que les subventions, ça devrait être interdit. Voilà, les politiciens n'ont pas à donner d'argent à des membres de la société civile, ni plus ni moins. Voilà, si les gens veulent soutenir des initiatives dans la société civile, c'est leur droit. Hein, vous voulez soutenir une œuvre de charité, vous voulez soutenir je sais pas moi, la sauvegarde du patrimoine ou quelque chose comme ça, bah vous le faites avec votre argent. Voilà, on peut imaginer des mécanismes, d'ailleurs ça existe déjà, de défiscalisation, si vous voulez, pour encourager ce genre d'initiative. Mais à mon avis, les associations doivent se financer elles-mêmes. Les politiciens n'ont rien à foutre là-dedans. Or, aujourd'hui, dans ce système néo-communiste, l'État subventionne absolument tout, la presse. Les organisations antiracistes chargées de faire la police politique, etc., etc. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose là-dessus, sur ce truc-là? Ah bah, moi, je suis vraiment étonné que dans la France, des cabinets de conseil, des gens soient payés pour ne rien produire. Ça me scie les pattes, comme on dit. Ouais, ça c'est une autre façon. C'est une autre façon d'acheter, hein. Le soutien, c'est la corruption généralisée, hein. Jean, éventuellement? Bon, de toute façon, c'est systématique. Non, en France, l'État est cette espèce d'énorme pieuvre qui a ses tentacules partout, sur tout, et qui aspire toute la production économique, ce que les braves gens qui travaillent produisent pour le redistribuer à tout un tas de comités Théodule, des juifs qui sont dans 7 ou 8 comités d'ailleurs, des associations à droite à gauche qui touchent toutes des sous de l'État. Et enfin, c'est vraiment pitoyable parce que maintenant, quand on se balade en France, Parfois, je me fais la réflexion que c'est quand même un pays qui fait assez pauvre. Je trouve que les gens ont l'air un peu misérables à certains égards, et que c'est pas qu'ils travaillent pas ou qu'ils produisent pas de valeur économique, c'est que l'État aspire tout pour des systèmes de corruption dont tu as parlé, et c'est vraiment triste. Et si je peux rajouter quelque chose qui m'est venu à l'esprit, je pense que, bah, comme tu l'as très bien dit, Gandalf, c'est une goutte d'eau dans la corruption généralisée de la France. Mais ce qui a fait que les gens se sont réveillés un petit peu par rapport à cette goutte d'eau, c'est quand même que ce fonds a été créé à la suite de la mort de, Oui. enfin plutôt de raccourcissement de Samuel Paty, comme on disait Oui, ça avant. c'est oui, c'est bien de Et le préciser. Précise un peu davantage ce point-là, parce que peut-être les gens sont pas au courant. oui, en fait, disons que quand Samuel Paty s'est fait raccourcir par un jeune Tchétchène, on s'est dit que le grand problème finalement de l'école, c'était le manque de laïcité. Et c'est pour ça qu'ils ont créé, entre autres, hein, ce fonds Marion qui visait à promouvoir des missions de sensibilisation à la laïcité, etc. Là où on voit que finalement ça a servi à arroser tous les copains et que cette histoire de Tchétchène qui tue un professeur en France, bah, finalement ça a été vite oublié, étouffé, etc. Oui, d'ailleurs, j'ai vu que la sœur de Samuel Paty a commencé à poser des questions. Hein. Donc ça enfle un peu hein, l'affaire. Hein, en fait, ils ont la bande de Caroline Fourest, la bande du juif Bernard-Henri Lévy. Bon, c'est pas nouveau pour les juifs, parce qu'on sait que c'est des trousseurs de cadavres hein, historiquement. Hein, je vous invite à potasser un peu votre histoire. Notamment des généraux de Napoléon qui parlent des juifs qui suivent l'armée napoléonienne, mais pas en lui voulant du bien. Vous découvrirez des choses qui ont d'ailleurs été enterrées par l'école républicaine. Ils ont récupéré le cadavre de Paty pour faire du cash, hein, bien sûr, c'est évident. Hein. Donc tous ces gens-là que vous voyez posés comme des gens vertueux, moraux, qui reprennent tout le monde, etc., ce sont des bandits. Ce sont des crapules. Ce sont des crapules. Le Sifaoui, là, se fait beaucoup plus discret. Hein. Lui était très agressif. Très discret, le Sifaoui, là, maintenant. Très discret. Hein. Voilà. Et ils sont tous comme ça, quelques-uns. Et il y avait beaucoup d'Arabes, j'insiste là-dessus. C'est-à-dire que Sifaoui, mais de toute façon, il marche en bande. Hein. Donc Sifaoui a fait entrer toute une clique de bougnoules. Et ils sont tous venus bouffer. Voilà. C'est comme ça que ça fonctionne vraiment. Hein. Voilà. Donc, oui, voilà. Donc, pas grand-chose à voir avec Samuel Paty, évidemment. Mais voilà, ça rapporte, hein, ça rapporte. Hein. Il y a un business, quoi, je vais pas dire un business de la laïcité, mais un business des martyrs de la laïcité, quoi. Je veux dire, voilà, il y a des gens qui font du cash sur les cadavres, effectivement. Donc c'était bien de le préciser. Et alors, sur cette histoire de subventionnite, là, caractère politique, évidemment, vous avez vu qu'il y a eu un pataquès qui a été déclenché aussi par Darmanin, à son corps défendant. Qui a mis le doigt dans un peu sans vraiment y penser, mais il était interrogé sur le financement de la Ligue des droits de l'homme suite aux violences de Sainte-Soline, où il y avait des éléments radicaux d'extrême gauche, des anarchistes qui ont profité de l'occasion pour aller casser du flic, parce que bon, c'est leur activité depuis toujours. Et alors, la Ligue des droits de l'homme a essayé d'exploiter la situation sur place pour en faire un levier contre le gouvernement français. Et il a été interrogé au Parlement, non, mais je sais plus qui lui a posé la question, mais il y a un parlementaire qui dit, bon, ouais, d'accord, mais qui finance cette organisation? Je veux dire, ils ont des subventions partout. Est-ce que l'État pourrait pas réviser un petit peu sa politique par rapport à ça? Est-ce que vous devez financer des organisations d'extrême gauche qui, en fait, encouragent, poussent à la violence contre les forces de l'ordre, n'est-ce pas? Ce qui est une question légitime. Et il y a eu un. Et en fait, Darmanin était un peu pris de court. Et ce qu'il a dit, il dit bon, je connais pas trop le dossier, je connais pas trop le détail, mais il a dit, si vous écoutez toute sa déclaration, il dit, mais il faudrait surtout que vous regardiez ce qui se passe. dans vos communes, dans les collectivités territoriales, parce que cette association est souvent subventionnée au niveau des mairies ou des départements. Donc, il aura un peu. En fait, il se défendait plutôt en disant écoutez, vous nous demandez ce qu'on leur donne comme argent, regardez déjà au niveau local ce qu'on leur donne. Et l'extrême gauche a été tétanisée par ça. Parce que c'est un énorme maquis d'intérêt, la subvention aux associations de gauche. C'est colossal. Et évidemment, c'est l'alerte générale. Parce que si jamais on sucrait des subventions à la Ligue des droits de l'homme, qui est une des plus vieilles associations subversives de gauche en France, a été créée pour défendre Dreyfus. Bon, on ne peut pas faire mieux. Comment dirais-je, ça commencera à craindre pour beaucoup d'autres associations, parce que évidemment dans le climat actuel où vous avez quand même plus de 40% des gens qui ont voté Marine Le Pen au deuxième tour, il y a beaucoup de Français qui se disent bon, j'aimerais quand même savoir où va l'argent de mes impôts. J'ai pas forcément envie de financer des organisations de gauche ou d'extrême gauche qui passent leur temps à infiltrer des migrants clandestins sur le territoire. Peut-être qu'il serait temps d'aller voir ça de plus près. Et ils savent en fait que dans l'opinion, ils régressent fortement. Ils savent. Donc ils sont inquiets. Et Darmanin n'avait pas théorisé d'attaque contre la Ligue des droits de l'homme, mais le simple fait qu'il ne rejette pas d'un bloc la possibilité de réviser les subventions à cette association a vraiment semé l'effroi. Ils ont tous hurlé. Ils ont tous hurlé. Et alors le patron de la Ligue des droits de l'homme a carrément amalgamé Darmanin à Vichy en disant mais la dernière fois qu'on a on s'en est pris à la Ligue des droits de l'homme, c'est Vichy. Alors là, tout d'un coup, si vous voulez, c'est tout le monde doit se taire, quoi, hein. Je veux dire, c'est le Vichy, le loco, ça y est, c'est bon, hein, on ferme tous nos gueules et on tend le chéquier, quoi. Et c'était très intéressant cette discussion. Et alors Arié Halimi, le juif qui est le fer de lance de cette organisation radicale, qui est proche de l'extrême gauche la plus dure, à peine couvert, menacé de mort Darmanin. C'est-à-dire qu'il a dit en toutes lettres, hein, il a dit voilà, la dernière fois que des gens s'en sont pris à la Ligue des droits de l'homme, c'était Pétain et c'était la milice. La Ligue est toujours là, Pétain un peu moins. Sous-entendu, Darmanin, t'es le prochain. Ils allaient très loin dans leur rhétorique. Un mec comme Halimi et sa bande, ils vont très très loin. Donc, mais ils peuvent le faire parce qu'ils se sentent très soutenus. Ils sont soutenus par beaucoup de juges d'extrême gauche. Je rappelle ce chiffre. Il y a 8000 juges en France. Il y en a 800 au syndicat de la magistrature, qui est une organisation marxiste radicale. 800 juges. Donc quand vous êtes face à un juge, vous avez une chance sur 10 de tomber sur un communiste pur et dur, un trotskar. Donc, ils se sentent soutenus, ils se savent soutenus, d'accord. C'est pour ça qu'ils peuvent parler comme ils parlent, et ils peuvent même, à mot à peine couvert, menacer de mort un mec comme Darmanin, en lui disant, profites-en bien, tu attends un peu, ça sera toi le suivant. Hein, donc c'était quand même révélateur. Et donc c'est vraiment la question en fait du financement de l'extrême gauche, parce que quand vous avez autour de chez vous des organisations de gauche qui militent pour les migrants, mais c'est incroyable, hein, vous avez des trucs pour à tous les niveaux, si vous voulez, pour faire de je veux dire, bon, c'est con, mais apprendre le français aux migrants, de l'insertion professionnelle, comment dire, leur faire faire des sorties vélo. J'ai vu là dans le Morbihan, c'était très drôle. Il y avait une association qui était spécialisée dans les sorties bateaux pour les nègres clandestins. Donc dans le golfe du Morbihan. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le cadre, mais c'est très beau. C'est tellement beau d'ailleurs qu'il n'y a même plus de Bretons sur le littoral, parce qu'ils ont été tous expropriés par la pression foncière. Ils ont tous été dégagés. Donc il y a en gros il y a que des Parisiens qui viennent passer de 3 semaines dans l'année, quoi, voilà. Mais pas les nègres. Les nègres clandestins, ils ont le droit quand même à leur petit truc. Et alors, il y a un des nègres qui s'est noyé. Et ils n'ont jamais retrouvé le nègre, vous voyez. Non, mais c'est vrai. C'est-à-dire, ils ont fait une sortie kayak, quoi. Une sortie kayak avec des nègres clandestins, encadrés par des animateurs, tout ça est subventionné. Alors, voilà. Enfin, essaye de payer une sortie kayak dans le golfe du Morbihan à ton gamin. Tu me diras comment ça te coûte à la fin de la journée. Voilà. Il y en a un qui s'est noyé. Alors, le nègre, le père de nègre, il est venu d'Allemagne pour gueuler et demander des comptes. On marche sur la tête. Et alors là, t'as la presse de gauche qui embraye. Là, c'est localement, c'est Le Télégramme, c'est Ouest France. Et puis attention, on leur tend le micro. Alors, bon, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez saisir? Et quel organisme, etc. Le truc, voilà. Bah, je me suis rapproché de telle association. Tout ça est financé par l'argent des blancs. C'est hallucinant, je veux dire. Je vous donne juste cet exemple-là, il est tout frais de cette semaine. Et quand même vous, par curiosité intellectuelle, vous pouvez vous intéresser dans votre région, votre département, vous regardez, voilà, les un exercice très simple. Rapportez-vous à l'exercice comptable, c'est toujours disponible sur Internet, de votre région. Le conseil régional de votre région. Il publie la liste des subventions qu'ils accordent chaque année. Regardez la liste des associations. Vous allez tomber de votre chaise. Ouais, je me suis intéressé à celle de ma région d'origine. Hein. J'ai découvert des choses très intéressantes. Je découvrais, par exemple, qu'on finance les cours de danse africaine. Alors, je me suis renseigné, c'est quoi l'association, etc. Bah, c'était un nègre avec des tresses, etc. Là, tu vois. Il est payé par la région pour faire danser des blanches. Et attention, il n'est pas payé. Je ne parle pas de... C'est pas 2 500 €, etc. C'est 100, 150 000 euros dans l'année. Donc, le mec, tranquille, déjà, il a son salaire sécurisé. Tu vois, voilà. Voilà. Bon, je vous passe. C'est partout. C'est partout. C'est généralisé. Mais c'est pas les Traoré aussi qui avaient une sorte de trafic de subventions à hauteur de 600 000 euros, des sommes colossales pour faire de l'insertion dans les banlieues, il me semble. Tu peux faire des tas de trucs comme ça. Tu crées une association banlieue, machin. Tu auras les dispositifs sociaux qu'ils ont dans le. Pour la ZUP, enfin la ZEP en question, ou je sais plus comment ils appellent, parce que la ZEP, ZUP, je sais plus comment ils appellent ça maintenant, les zones de reconquête républicaine, tu vois, ces trucs. Et donc, tu as toujours des dispositifs avantageux, machin, si tu connais l'assistante sociale, et c'est la mafia généralisée. Donc, les mecs, truc, paf, ils retournent, hop, tac, tac, tac, tac, ils déclarent des trucs. Hop. Hallucinant, je veux dire, hallucinant. C'est dingue, dingue, dingue, dingue, le pognon qui part là-dedans. Et une partie de ce fric-là repart en Afrique. En avoir conscience, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une partie du pognon qui est détournée qui sert ensuite à construire des villas au bled. Bon, peut-être vas-y, aussi vas-y. On peut parler de toutes les... enfin, il y a effectivement tous ces trucs autour des nègres, mais aussi tous les gauchistes, artistes, ah oui. Toutes les associations de... Je sais pas, de leurs trucs alternatifs où ils ont besoin de demander des sous et d'ailleurs on les voit se rassembler après pour faire des sortes de luttes écologistes. Tout ça c'est les associations subventionnées par l'État. C'est l'État qui subventionne sa propre opposition sur le terrain, ce qui est complètement délirant en fait. L'État est tenu par des gens qui idéologiquement lui sont hostiles, c'est-à-dire ils sont hostiles à l'existence de la France en tant que nation et donc la constitution d'un État organisé qui fonctionnerait à peu près correctement. Et donc ils subventionnent des gens qui s'occupent à mettre des bâtons dans les roues à cet État et à cette nation. Et donc ils se retrouvent à devoir ensuite gérer les problèmes de leurs propres subventions. Et bon, c'est ce dont tu parlais aussi avec Darmanin, c'est-à-dire que Darmanin, il est quand même le chef de la police. Il est quand même un peu responsable devant les flics quand il y en a qui se font caillasser. Et donc, ils sont toujours comme ça, un peu schizophrènes, parce qu'en fait, c'est les gens qui dirigent, c'est l'essence même de cette caste au pouvoir qui est qu'ils font des choses comme ça. Ils sont eux-mêmes foncièrement hostiles à la France en tant que nation blanche organisée. Oui, j'avais déjà parlé aussi de. Il y a un énorme fonds qui est géré par le mémorial de la Shoah. Et en fait, ils disent que. Enfin, on leur a donné du pognon. Leur campagne d'agitation autour de l'Holocauste dans les années 80 avec Bernard Lévy, les procès Papon, Touvier, etc., a servi en fait à justifier. Des réparations financières par l'État français, donc on leur a donné toute une somme là, et ils l'ont en fermage. D'accord ? Et c'est du pognon qui a été pris aux Français. D'accord ? Et ça, c'est un exemple parmi d'autres. Je veux dire, il y a toute une somme comme ça d'ennemis politiques, mais je veux dire, des gens qui veulent absolument tout détruire. D'accord ? Qui retire un énorme bénéfice de tous ces dispositifs-là. Donc, tu as parlé des artistes, évidemment, des artistes subventionnés par les copains, par les mairies de gauche. Enfin, c'est, voilà, donc ça participe de cette opposition. Ce serait les mêmes, je veux dire, imagine demain Marine Le Pen est élue à l'Élysée. Bon, c'est pas que ça changerait la face du monde, mais tous les manifestants, ça, sont des gens qui auraient peur pour leur argent. Tout simplement. C'est-à-dire, vous auriez des artistes subventionnés, des associations, des trucs, des mairies qui auraient peur qu'on leur coupe les fonds. Alors, je vous rassure, hein, Marine Le Pen, cherchant évidemment à plaire à ses pires ennemis et à déplaire le plus possible à ceux qui seraient supposés, et en tout cas susceptibles de la soutenir, elle couperait évidemment les fonds à ceux qui sont proches d'elle, enfin théoriquement qui pourraient être proches d'elle, et elle consentirait probablement une augmentation pour les organisations de gauche. Mais bon, ça n'empêcherait pas les autres de quand même de l'insulter, de la couvrir de crachats, hein, pour autant. Hein. Mais ce seraient les premiers dans la rue. Je ne parle même pas des syndicats, c'est encore autre chose, le syndicalisme français, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que le régime a décrété quel syndicat était représentatif. Il ne représente rien, c'est 8% des travailleurs en France, c'est une blague. CGT, CFDT, etc. Et tous les printemps, ils vont prendre un chèque à Matignon. C'est extraordinaire, ça. Donc, tu as un syndicat qui organise l'opposition, patronat, et puis ils vont prendre le chèque. Voilà. Donc, tout fonctionne comme ça. Enfin, voilà. Mais Gandalf, si je peux reprendre vite fait quelque chose que tu as dit, malheureusement, ce n'est pas que les mairies de gauche, et bien souvent, les mairies de droite financent aussi des associations de gauche, soit parce qu'ils ne sont pas réellement de droite, soit parce qu'ils se sentent obligés, dans la mesure où l'État leur fournit de l'argent et leur dit, bah voilà, ça c'est pour des subventions aux associations, et du coup ils se sentent obligés de fournir cet argent aux associations de gauche, puisque peu d'associations de droite existent, et si des associations de droite existaient, par exemple, à vocation identitaire ou quoi que ce soit, le système se mettrait en branle avec les médias, etc., pour dire que finalement ces associations n'ont pas le droit de toucher l'argent, qu'elles ne sont pas républicaines, etc. Donc même à droite, en fait, ils se sentent verrouillés dans ce système pour constamment financer la gauche qui vit sur ses subventions comme si c'était des acquis sociaux et qui se battra jusqu'à la mort, enfin tu l'as dit, jusqu'à menacer le ministre de l'Intérieur. Si on évoque la possibilité, ne serait-ce que de réduire ces subventions. Passons à la rubrique numéro 1, courrier des lecteurs. Premier courrier, salut Gandalf, cela fait plusieurs fois que je t'entends te plaindre de ne pas pouvoir avoir accès à certains articles payants des médias juifs, notamment dans la dernière émission, saison 08, épisode 09, sur le desserrement, donc ça doit être l'avant-dernière émission. Il va de soi qu'aucun euro ne doit leur revenir, avec toute la revue de presse que tu fais, je ne sais pas comment tu t'y retrouves, ce genre de paywall pullule. Personnellement, personnellement, j'utilise l'extension Bypass Paywalls Clean avec Firefox, elle permet de lire la majorité des articles payants. Par exemple, ça fonctionne pour l'article du Progrès sur les migrants de Varay dont tu parlais. Voici le lien pour l'installer sur le navigateur basé sur Chrome. Si Kyle s'est signé le glossateur. Alors oui, cher glossateur, mais le problème, ce sont les hard paywall. Et là, il y a un petit souci. Alors par exemple, ces crapules de West France ont un hard paywall et c'est très difficile, en tout cas avec mes maigres connaissances, de trouver une solution. Le journal Le Monde a également un hard paywall, donc si vous voulez un mur payant dur, enfin en bon français quoi, qui veut dire que c'est difficile de le contourner quoi. Donc je ne sais pas si quelqu'un a une solution. Alors bien sûr, il y a des gens qui vont peut-être me dire qu'on peut avoir les versions papier PDF en fait par des sites de torrent de l'édition du jour d'avant. Bon, c'est un peu plus artisanal, mais je ne disconviens pas que ça a son utilité. Mais enfin, moi, les bandits de la presse précisément subventionnés m'exaspèrent avec leur hard paywall. Ça m'indispose. Donc, je ne sais pas si quelqu'un connaît le moyen de venir à bout du hard paywall de West France, par exemple, ou de tous ceux qui ont le même dispositif. Ça serait intéressant. Voilà. Donc au passage, hein, je le souligne. Courrier suivant. Heil démocrate, la scène se passe il y a quelques semaines dans un aéroport d'une grande ville française. L'avion a un peu de retard, alors je vais dans une section calme, éloignée du passage des voyageurs et de la musique des magasins pour lire tranquillement. Arrive un type qui jette son sac à deux sièges à côté de moi et qui parle bruyamment au téléphone. Je le regarde. Un juif. Un nez en quart de brie, parfait. Évidemment, ça tombe sur moi. Des petites lunettes rondes de soleil, une casquette qui doit surplomber, une kippa, et la jactance séfarade. Ça jacte, ça branche ses téléphones, ça tourne sur soi-même, va et vient, impossible de lire mon Giono adoré à côté de ce singe épileptique. Je me mets à le fixer avec un air adolphique. Il me fixe en retour. Et pas d'une manière agressive. Je le remarque à ses yeux que je vois à travers ses lunettes. Il esquisse même un léger sourire. Je commence à articuler une phrase et là, je le reconnais. J'ai une fraction de seconde pour décider si je change mon discours ou non. Eh bien, ce fut non. J'ai traité ce sale juif de Gad Elmaleh de gros, malpoli, bruyant, avec des sous-entendus qui lui faisaient comprendre qu'il ne faisait pas partie de la même situation que moi. J'y suis allé peut-être même un peu violemment, car il s'est excusé vertement de nombreuses fois en reculant à petits pas, tout en hochant la tête apeuré. J'ai appris par la suite qu'il était devenu un fervent catholique. Je pense qu'il faut le rebaptiser encore et que le sacrement dans l'eau dure plus longtemps, bien immergé. Autre leçon importante, il suffit de grogner un peu contre un juif qui se croit le roi du monde pour qu'il recule comme un rat apeuré. Grogner contre les juifs! Nommez-les! Ils se ratatineront. À Hitler! Et c'est signé East Tustin. Alors, à ce qu'il semble, notre auditeur est tombé sur Gad Elmaleh dans un aéroport, et l'obscénité inhérente du séfarade l'a révulsé, il a explosé de rage. Et ce n'est que pendant enfin, juste au moment où il allait éclater de colère, qu'il a réalisé que c'était Gad Elmaleh, qui effectivement s'est converti au catholicisme, paraît-il. Je sais pas, j'ai pas trop suivi cette espèce de prank, hein. C'est un prank, hein, pour ceux qui auraient pas compris, hein. Je veux dire, il est pas plus converti au catholicisme que moi-même, je me suis converti au judaïsme, hein. Faut bien le comprendre, hein. Un petit mot là-dessus, éventuellement, sur ce petit épisode rigolo, parce que c'est vrai que les aéroports le permettent, hein. On croise des gens connus dans les aéroports, ça arrive. Je sais pas si... Moi, j'ai déjà croisé le pilote Villeneuve de F1, une fois. Je lui ai serré la main. C'était il y a longtemps, mais... ça arrive, je veux dire, vraiment, de connaître des gens... Enfin, de croiser des gens connus. Vous avez quelque chose à dire là-dessus ou pas? Ouais, c'est le côté téléphone portable qui est très, très spécifique aux Juifs. Parce qu'en fait, ils passent leur temps au téléphone, à appeler à droite, à gauche, pour mettre des coups de pression d'ailleurs, pour quand il y a quelque chose qui leur plaît pas. Ah oui, qu'est-ce que c'est dans ton journal là? Qu'est-ce qui est écrit là-bas? Et donc, il faut qu'ils s'appellent tout le temps. Et c'est typique, quand on les voit, ils ont presque tout le temps un téléphone portable ou ils passent leur temps au téléphone. C'est vraiment une caractéristique de ces gens et je crois qu'on sous-estime l'invention du téléphone. Et les réelles motivations derrière l'invention du téléphone. Non, mais surtout le fait que les Juifs ont pu prendre le contrôle de la société, enfin de la civilisation occidentale, probablement en grande partie grâce à l'invention du téléphone. Nogaré, ou un mot à dire ou pas? Pas spécialement. Non, pas spécialement. Mais c'est marrant, moi. Bon. Mais oui, Gad Elmaleh, là, il fait son numéro. Je sais pas. Enfin, j'ai pas suivi l'histoire de la. Je sais pas quoi qu'il a vu la Vierge Marie, je ne sais pas. Mais il a fait. En fait, c'est qu'il a fait un film qui est pas critique du catholicisme. Enfin, j'ai pas vu le film, mais apparemment, ça fait enrager sa communauté parce que normalement, il faut dire que du mal de la religion des blancs, donc les. Ah oui, le christianisme doit être systématiquement peint dans les plus mauvais traits. Et donc ça les a énervés. Ou alors il faut qu'ils fassent des trucs du style qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Ou c'est une famille de cathos dont toutes les filles se marient avec des nègres, des Chinois, des Arabes, des je sais pas quoi. Ça c'est bon, ça on peut parler du christianisme. Mais parler du christianisme par des aspects un petit peu beaux, disons un peu attrayants, ça les énerve. Et d'ailleurs, il disait, faut surtout pas faire ça parce que s'il y a des juifs qui regardent le film et qui se disent, ah, Gad Elmaleh, il trouve de la beauté dans le christianisme, je vais voir ce qu'il en est, ils pourraient se convertir. Donc ça les fait enrager comme jamais. Et je vais parler aujourd'hui du sale juif de la semaine en rubrique numéro 2, c'est Thierry Binisty. Vous ne le connaissez pas, vous n'en avez jamais entendu parler, ce n'est pas un problème, c'est parfaitement normal. C'est un réalisateur de films et qui a lancé sa dernière réalisation qui s'appelle Le Prix du Passage. Le Prix du Passage. Alors voici le pitch du Prix du Passage. Sa rencontre avec un Irakien change le regard d'une jeune Française précaire sur le sort des migrants de Calais. On écoute la bande-annonce et on se retrouve. Oui, vie chinoise, sembra talmente. Mais ça va pas, t'es malade ou quoi? Alors j'imagine que tu veux passer comme tous les autres en Angleterre? C'est cher le passage, 5 000 euros. 5 000? Tu vas retrouver un travail. J'ai bien réfléchi là, à cette histoire de passage. Je vous fais passer toi et ton pote pour 2 000 euros. Moi je peux pas, j'attends mon frère. Comment tu vas faire? Planquer un type dans son coffre et traverser la Manche, ça va hein. J'ai connu plus difficile. Hein. Bonjour. Bonjour madame. Alright. Un vrai jeu d'enfant. T'as pas d'autres clients à me faire passer? Je sais pas, passeur, c'est dégueulasse. Je suis sûr que je peux le refaire. C'est trop dangereux. Tes potes, ils ont besoin de nous, on a besoin de thunes. C'est pas compliqué, quoi. Ok, d'accord. 50-50. Deal. Et tu regrettes jamais? Si je regarde derrière, je deviens fou. Ça vient d'où tout ça? T'as pas fait de conneries quand même? Mais non, j'ai pas fait de conneries. Tu sais ce que tu risques si tu te fais prendre? Mais j'ai failli finir en tôle, connard! Je t'ai dit, c'est dangereux! Bon, qu'est-ce qu'on fait alors? C'est fini, c'est bon, on arrête? J'ai pas dit ça, non. Alors, messieurs, c'était donc un nouveau film engagé en faveur des migrants clandestins qui nous font quand même la gentillesse de venir nous envahir et d'imposer l'islam. Hein, voilà, les juifs sont très sensibles au droit des musulmans de venir nous envahir. Coût de l'opération, du coût du film, hein, 2 millions hein, d'euros, bien entendu. Alors, le succès n'est pas au rendez-vous. Hein, il était présent dans 65 salles, quand même, ce film, pour son lancement. Cette semaine, hein. C'était le 12 avril, et alors 65 salles, mais 736 personnes ont visionné la première, ce qui fait 11 spectateurs en moyenne par écran, pas terrible, terrible quand même pour un lancement, donc c'est un four, hein, c'est un four, hein, bien sûr. Donc voilà, donc c'était le nouveau film pro-migrant. Alors juste pour rappel, parce que nos auditeurs auraient peut-être oublié ça, mais les films pro-migrants sont devenus un style en tant que tel dans le cinéma français, hein, puisqu'on a eu Les Engagés d'Emily Frèche. Hein, juif séfarade aussi, Émilie Frèche, qui nous raconte l'histoire de blancs, de bobos en fait, hein, qui s'engagent pour aider des nègres à envahir la France. Hein. Et on avait eu un petit peu avant le film de Jérémy El Kaïm qui s'appelle Ils sont vivants. Pareil. Même fond, les migrants, ouin ouin, quoi. Voilà, l'invasion, c'est cool. Un petit message sur ce flop du prix du passage. Moi, je suis plus intéressé par le prix du ticket, d'ailleurs, et j'aimerais bien savoir combien Benisti va faire de shekel sur l'argent qu'il va voler aux Français. Moi, c'est plus ma question, déjà. Mais le prix du passage, qu'est-ce que vous en dites? Ce qu'on appelle une taxe, d'ailleurs. Qu'est-ce que vous en dites? Mais tant mieux qu'il soit sorti, parce qu'effectivement, il n'y a pas assez de films de ce genre dans le cinéma français. Hein. Voilà, il faut plus de films pour nous avertir du pauvre sort de ces migrants, de ces pauvres migrants. Alors, moi, le seul avantage que je trouve à ce film, c'est que finalement, le pitch, c'est quoi? C'est qu'on décharge nos poubelles en Angleterre. Pourquoi pas? Moi, j'appelle à ce qui est vraiment une vraie politique dans ce sens, et que bon, tant pis pour l'Angleterre. Quelque part, ils sont un peu en partie à l'origine de tout ce bazar, et que on systématise le processus et qu'on leur envoie un peu plus de personnes, qu'on ne se limite pas au passage de quelques individus dans des coffres de voitures, mais qu'on leur envoie des cargos. Voilà, des cargos entiers. Voilà, on sort du film pour essayer d'aller sur la réalité. Le cinéma français se porte toujours bien. J'ai vu qu'il y a des réalisations en cours qui ont pour but de montrer aussi des personnages de l'extrême droite, etc. Qui ça? Voilà, j'ai pas vu ce film-là, c'est quoi? Non, c'est pas, il est pas encore sorti, j'ai vu passer ça, comme quoi il cherchait des figurants pour incarner Damien. Rieux. Ah bah ouais, mais c'est sûr. Ouais, je vois, d'accord, ok. Donc on en saura plus un peu plus tard quand ils le sortiront, quoi. C'est intéressant ce que tu dis là sur le... C'est du service après-vente. Et il est tout à fait remarquable que le réalisateur juif Binisty cherche à culpabiliser le public français de race blanche sur la question des migrants, en nous disant, voilà, pauvre Irakien qui arrive en France, qui veut un avenir meilleur, rejoindre l'Angleterre. Oui, mais pourquoi cet Irakien veut rejoindre l'Angleterre? Est-ce que quelqu'un n'aurait pas pété son pays par hasard? Est-ce qu'il n'y aurait pas eu une invasion militaire qui aurait ravagé l'Irak? Est-ce qu'elle n'aurait pas été pensée, après le 11 septembre, par quelqu'un comme Paul Wolfowitz, ce juif qui a convaincu George W. Bush d'envoyer l'armée américaine ravager l'Irak? Et je ne parle pas de la Libye, par où ils viennent, détruite par Bernard-Henri Lévy, là encore, pour faciliter la domination israélienne. Je veux dire, mais quand on creuse, on commence à découvrir qu'il y a peut-être des intentions un peu cachées, n'est-ce pas? Moi, je pense que, ils arrivent pour essayer de faire pleurer Margot dans les chaumières en France, mais je pense qu'il faut toujours s'interroger sur deux choses quand on voit ce genre de film. D'abord, c'est qui l'a fait, plus exactement, quel juif l'a fait, et ensuite lui demander... Quand c'est qu'il va rendre des comptes pour les guerres que sa race fomente à droite à gauche? La plus récente étant celle d'Ukraine. On attend avec impatience celle contre la Chine. Voilà, c'est-à-dire que ces fauteurs de guerre, au bout d'un moment, il faut les mettre face à la responsabilité. C'est facile d'aller voir Madame Michu, ou d'aller voir Monsieur Dupont, n'est-ce pas, qui est un salaud d'électeur du RN, qui gagne 1300 euros par mois, tu vois, et qui bronche un peu parce que les dealers afghans ont tendance à tourner un petit peu autour du cul de sa petite fille, voilà, à la sortie de l'école, ça le dérange un peu. Ouais, mais bon, il n'a pas compris le message humaniste, voilà, bon. Si on renversait un peu l'analyse, vous voyez, qu'on allait aux causes, plutôt que s'attarder sur les conséquences, moi je pense que ce serait intéressant, vous voyez. Donc si j'avais le juif Binisty en face de moi, c'est ce que je lui poserais comme question. J'ai dit, pourquoi vous n'avez pas fait un film sur les fauteurs de guerre juifs en Irak? Il y a beaucoup de choses à dire. Autre four. J'aime bien ce mot. Autre four, c'est le film de BHL. Alors là, je cite, un tweet de Laurent Ozon qui dit ceci. Vous ne l'aviez pas remarqué, mais le film de BHL, Slava Ukraini, n'est plus en salle depuis le 15 mars. Donc ça fait déjà un mois. Il aura totalisé 1024 entrées dans toute la France, malgré les dizaines d'heures de promotion sur toutes les chaînes d'infos et les principaux médias français. C'est tout à fait juste. Donc, je pense que nos auditeurs ont vu la promotion incroyable du film de Bernard-Henri Lévy. Bernard-Henri Lévy a été invité sur tous les plateaux pour parler de son film. C'était un prétexte, bien sûr. Parce que quand on s'intéresse aux détails, parce qu'il a dit « c'est un flop », et t'as dit aussi « c'est un flop ». Alors quand il fait des bouquins, c'est vrai que c'est un flop. Il vend 1000 ou 2000 exemplaires, ce qui est hallucinant. Je veux dire, quand on regarde la surface médiatique de Bernard-Henri Lévy, quand on regarde ses ventes réelles, c'est effrayant. Il est partout, il est partout, hein, tous les plateaux, les radios. Moi, j'allais dire à croire que c'est lui qui est le propriétaire de la radio. C'est peut-être pas faux, voilà. Mais c'est même incroyable, parce qu'on devrait se dire, non, d'accord, ok, admettons, il n'est pas populaire, mais vu la surface médiatique, automatiquement, il devrait vendre un certain nombre d'exemplaires de livres et il devrait faire un minimum d'entrées en salle simplement pour des raisons de proportionnalité. C'est-à-dire que voilà, il touche, je ne sais pas moi, tous les médias en parlent, donc on va dire 10 millions ou 15 millions de personnes ont été mis au courant qu'il y a un film ou qu'il y a un bouquin. Bon, statistiquement, il va toucher, allez, il n'a pas de chance, c'est 0,1%. Ben non, il ne les fait pas. C'est-à-dire qu'il... c'est plus que confidentiel, n'est-ce pas ? Alors qu'il est partout. Et on dit, mais c'est un flop. Et non, pas du tout. Parce que Bernard-Henri Lévy, en fait, ne cherche pas à vendre des livres ou à faire voir ses films. Preuve en est que son dernier film, Slava Ukraini, a été diffusé dans 4 salles en France. Donc il n'y avait pas de grande opération commerciale. Il n'y avait que 4 salles de cinéma qui présentaient son film. Il n'a jamais été conçu pour être vu par beaucoup de monde. C'était un prétexte pour justifier sa présence à la télévision. C'est différent. C'est différent. Donc, il prétend faire un film, et à ce titre-là, on le met partout. Et qu'est-ce qu'il dit dans son film ? Qu'est-ce qu'il dit sur les plateaux ? Il parle assez peu de son film. Il dit simplement « La guerre du juif Zelensky est justifiée ». Et là, il égrène les arguments pourquoi il faut soutenir Zelensky. C'est simplement un prétexte. Donc, il arrive avec son affiche de film. Il y a, voilà, « Vive l'Ukraine, gloire à l'Ukraine », voilà. Et il y a le drapeau ukrainien. Et il dit « Voilà, je soutiens ça ». Et rassurez-vous, ou inquiétez-vous, comme le film a été cofinancé par France 2, donc la télévision d'État française, à hauteur de 300 000 euros, mais ça c'est rien, c'est pas une histoire d'argent, c'est pas pour graisser la patte de Bernard-Henri Lévy est très à l'aise financièrement, c'est pas ça le sujet. On le dédommage simplement pour les besoins de ses transports, mais c'est tout. C'est ensuite que comme c'est une coproduction, elle va être diffusée sur France 2. Donc, il va y avoir une soirée événement, ça va vous être annoncé à l'avance, on va dire, voilà, le film Bernard Lévy, sur le terrain, le truc. Et il y a forcément, dans le lot des gens qui ont la télé allumée, des personnes qui vont voir le truc, tu vois. C'est pas qu'ils vont regarder ça religieusement, mais bon, ils seront là, ils vont regarder le programme, qu'est-ce qu'il y a sur la 3, la 2, la 2, bon, tiens, allez, je vais regarder ça. Voilà. Des gens pas politisés, si vous voulez. Et ils vont juste regarder, ils vont coller leur... Et ben, il va quand même faire 200, 300, 400, 500 000 vues rapportées au public de France 2. Je ne sais pas combien ils font traditionnellement et sur quel créneau horaire, mais peu importe. Et du coup, ben, il les fait, ses entrées en salle, si vous voulez. Sur le petit écran, mais il les fait. Voilà. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la télé française lui dit « on va diffuser ton truc », bon, même si ça se passe mal, il est garanti de faire un minimum, tu vois. Donc son tract politique, il va passer quand même. Donc il est content, il est passé à la télé, il a pu dégoiser tout son topo, il a pu dire pourquoi il faut soutenir la guerre des Juifs en Ukraine. Son truc, son anard... Il est passé à Cannes, hein, sans son film de merde. Ah ouais, en plus. C'est au festival de Cannes, voilà, donc, sélection officielle, etc. Donc ouais, paillettes. Donc, il a le droit à son petit truc de champagne. Ah, attention, Cannes, CA de ZNES, hein. Ouais. On fait parfois... Donc les gens pensent que Bernard Lévy ne fait pas de film, pas du tout. C'est juste pour justifier sa présence dans le paysage politico-médiatique. Et par ailleurs, la télévision française, grâce à ses appuis à l'Élysée, s'assure que effectivement, le contenu soit visionné par les goïms quasiment séquestrés de force chez eux. Et vous avez donc l'Uber télévisuel qui vous livre la dernière mère d'hébraïque de Bernard-Henri Lévy, pro-guerre évidemment, bon, faut qu'il y ait des morts, et voilà. Quoi. Voilà. Donc ce soir, sur France 2, entre le pianiste ouais. Et Nuit et Brouillard. mais c'est ça, exactement quoi. Exactement. Mais il paraît que la voix de narration est horrible. Alors bah, je t'invite à écouter. C'est du même acabit que Claude Lanzmann. C'est pire. C'est pire. Non, je te jure qu'à côté, c'est... Non, non. C'était des problèmes de snarsomie, Claude Lanzmann, c'est pas mal. Hein. Non, mais t'écoutes le truc. Tu peux pas ne pas éclater de rire, en fait, parce que il parle, c'est inimitable. Tu peux pas imiter la voix de Bernard Lévy quand il, parce qu'il met un rythme que t'entends chez aucune personne. Et il essaye d'être grave, tu sais, il essaye d'être solennel. Et ça tombe à plat parce que c'est le côté grotesque du Sepharad, quoi, tu vois. Alors... C'est le 3000e missile tiré sur l'Ukraine depuis le 24 février. Nous n'avons besoin ni d'hommes ni de courage, mais de canons. Donc 1000 entrées quand même, hein, voilà. Mais 4 copies, c'est pas pareil. Alors que l'autre avec ses 65 copies, il en a fait 700, quoi. Bon, le jour de la première, mais bon, quand même, quoi. Voilà. Alors, si vous êtes c'est comme les bouquins d'ailleurs des politiques qui se vendent à une poignée d'exemplaires. Même, je sais pas, même Sarkozy, quand il fait un bouquin, ça se vend très très peu. Personne n'achète qui a intérêt d'acheter des trucs pareils. Par contre, il y aura 2-3 passages du bouquin. Il va raconter, je sais pas, une anecdote personnelle un peu croustillante. Et l'anecdote va faire le tour des plateaux télé pendant une semaine. Et puis, il aura son coup de vent médiatique comme les autres, quoi. Mais le bouquin lui-même, d'ailleurs, les éditeurs le savent, hein, ils perdent de l'argent. Hein. Bon, voilà, encore une fois, le but, c'est pas de faire de l'argent. C'est de faire de la com. Voilà. Bien sûr. Bah, j'ai une anecdote là-dessus, c'est Sarkozy. Sarkozy avait écrit un livre sur Mandel, donc le juif Mandel, qui avait été légitimement flingué par la milice. Rétrospectivement, je salue bien évidemment l'œuvre civilisatrice de la milice. Et alors, il y a un mec qui interpelle Sarkozy. Enfin, ça avait été rapporté par le. Je crois que c'était le Canard Enchaîné à l'époque, quelque chose comme ça. Et alors, il y a un mec qui lui dit « Monsieur Sarkozy, j'ai lu votre livre sur Mandel, c'est vraiment c'est un très bon livre. Hein. » Et Sarkozy lui répond « Ah, vous l'avez lu ? Moi, j'ai jamais pu. » Excellent. Il les écrive pas, leur bouquin, ok ? C'est juste que, voilà, il met un tampon, Mandel, ça... Ah oui, bien sûr. C'est dans la biographie. Ils vont dicter 2-3 trucs, bien sûr. Ils vont dicter 2-3 trucs. Ah, même pas. Même pas. C'est conseillé. On dit, ce serait pas mal pour un ancien président d'avoir une œuvre. Parce qu'ils ont dû lui dire, tous les anciens présidents ont une œuvre littéraire à un moment ou à un autre. Il y a un truc, il y a un livre, il y a quelque chose qu'ils ont écrit. Mandel, c'est bien, il est juif, la République, la lutte contre le fascisme. Sarkozy, qui rien à branler, a dû dire ouais. Et oula, ouais, je vais signer en bas à droite. Non, mais de toute façon, c'est toi qui prends les royalties. Ouais, ok, d'accord, ok, voilà. Mais il a même pas lu, il s'en fout, quoi, tu vois. C'est Sarkozy est comme ça d'ailleurs. Et donc voilà, donc c'est vous dire que c'est à quel point c'est une escroquerie, quoi. Vous voyez, un des rares mecs à droite qui a un vrai succès, c'est en fait, alors bon, c'est un juif, c'est Zemmour. Mais bon, on ne peut pas contester le fait que quand il fait un livre, ça se vend. Il avait des succès plus ou moins larges. Des fois, c'est assez impressionnant. D'autres fois, c'est un peu plus en retrait. Bon, enfin, il a des lecteurs. C'est indubitable. Moi, je pense que ce n'est pas un bon écrivain. Mais bon, ça, on s'en fout. Et puis, De Villiers, qui a aussi un public. Voilà, De Villiers fait pas des tirages aussi significatifs. Il a eu fait des ouvrages qui étaient assez suivis, mais il n'a pas tout le temps le même succès d'édition, on va dire. Mais il a quand même des lecteurs, je veux dire. Et là, ils s'en sortent beaucoup mieux que tous ces mecs-là. Ils s'en sortent beaucoup mieux. Ouais, mais bah aujourd'hui, bon, je vais pas enfoncer le couteau dans la plaie, mais je parle même pas de la gauche parce que là, bon, il y a rien. Mais il y a en fait, il n'y a plus de littérature en France, déjà d'une. Et puis même, au plan des idées, à droite, il n'y a rien, je veux dire, il n'y a rien. Bah, y a Patrick Buisson, mais bon, c'est un peu complexe, on va dire. Ouais, bon, j'espère qu'il s'en sort mieux à l'écrit qu'à l'oral. Hein. Houellebecq, bon... le socialisme national est un corpus idéologique qui repose sur quatre piliers. La primauté du bien commun pour assurer au sein de la nation, gardienne de la race, la justice sociale. Car Hitler le soulignait, on a le droit d'être fier de son peuple que lorsqu'on n'a plus à avoir honte d'aucune de ses classes. Mais quand une moitié de ce peuple est misérable, miné par les soucis ou même dépravé, il offre un si fâcheux spectacle que personne ne doit être fier d'en faire partie. D'où cette nécessité de supprimer la lutte des classes en établissant une communauté du peuple. Cette communauté, chaque citoyen doit la servir. Hitler enseignait « Il faut ici encore s'imprégner profondément de ce principe qu'industrie et technique, commerce et métiers ne sont florissants qu'aussi longtemps qu'une communauté nationale, soutenue par un idéal, leur assure les conditions préalables et nécessaires de développement. Ces conditions ne dépendent pas d'un égoïsme attaché à la matière, mais d'un esprit de sacrifice qui trouve satisfaction dans le renoncement. » Hitler précisait « Donner sa vie pour préserver celle de la communauté est le couronnement de l'esprit de sacrifice. » C'est par cela seul qu'on peut empêcher que ce qui fut édifié par la main des hommes soit démoli par des mains humaines ou anéanti par la nature. Notre langue allemande possède un mot qui désigne de façon magnifique les actes inspirés par cet esprit. Remplir son devoir, c'est-à-dire ne pas se suffire à soi-même, mais servir la collectivité. La disposition d'esprit fondamental qui est la source d'un tel mode d'activité, nous la nommons, pour la distinguer de l'égoïsme, idéalisme. Nous entendons par là uniquement la capacité que possède l'individu de se sacrifier pour la communauté, pour ses semblables. Hitler mettait donc en garde contre l'égoïsme social. Sitôt que l'égoïsme établit sa domination sur un peuple, les liens de l'ordre se relâchent et, en poursuivant leur propre bonheur, les hommes sont précipités du ciel dans l'enfer. La postérité oublie les hommes qui n'ont recherché que leurs propres intérêts et vante les héros qui ont renoncé à leur bonheur particulier. Pour le national-socialisme, la valeur d'un homme dépend de la façon dont il sert la communauté. Hitler écrivait « L'appréciation de la valeur d'un homme doit être fondée sur la façon dont il s'acquitte de la tâche que lui a confiée la communauté. Car l'activité que déploie l'individu n'est pas le but de son existence, mais le moyen de l'assumer. Il doit, en outre, continuer à développer et à ennoblir sa valeur comme homme, mais il ne peut le faire que dans le cadre de sa communauté de culture, qui doit forcément toujours s'appuyer sur la base d'un État. D'où cette mission confiée à l'État. L'État est un moyen de parvenir à un but. Son but est de maintenir et de favoriser le développement d'une communauté d'êtres qui, au physique et au moral, sont de la même espèce. Il doit maintenir en premier lieu les caractères essentiels de la race, condition du libre développement de toutes les facultés latentes de celle-ci. » Ainsi s'explique le racisme prôné par le national-socialisme. C'est dans le sang seul que réside la force ou la faiblesse de l'homme. Les peuples qui ne reconnaissent pas et n'apprécient pas l'importance des facteurs racistes ressemblent à ces gens qui voudraient conférer aux caniches les qualités des lévriers, sans comprendre que la rapidité et la docilité du caniche ne sont pas des qualités acquises par le dressage, mais sont inhérentes à la race elle-même. Les peuples qui renoncent à maintenir la pureté de leur race renoncent du même coup à l'unité de leur âme dans toutes ses manifestations. La dislocation de leur être est la conséquence naturelle et inéluctable de l'altération de leur sang, et la désagrégation de leurs forces spirituelles et créatrices n'est que l'effet de modifications apportées à leur fondement raciste. Garant d'une mission de la première importance, l'État raciste doit être dirigé non par des majorités, mais par des hommes d'exception. Hitler prévenait « Le mouvement nouveau est dans son essence et dans son organisation intime anti-parlementaire, c'est-à-dire qu'il dénie en général le principe, comme dans sa propre organisation intérieure, d'une souveraineté de la majorité en vertu de laquelle le chef du gouvernement est rabaissé au rang de simple exécutant de la volonté des autres. Le mouvement pose le principe que, sur les grandes comme sur les petites questions, le chef détient une autorité incontestée comportant sa responsabilité la plus entière. Il a la responsabilité, mais la porte tout entière sur ses épaules. Si le chef a violé les principes du mouvement ou s'il a mal servi ses intérêts, il appartient à ses partisans de le faire comparaître sur le forum en vue d'une nouvelle élection et de le dépouiller de sa charge. Il est alors remplacé par l'homme nouveau qui semble plus capable et qui est, à son tour, revêtu de la même autorité et de la même responsabilité. Celui qui veut être le chef porte, avec l'autorité suprême et sans limite, le lourd fardeau d'une responsabilité totale. Celui qui n'est pas capable de faire face aux conséquences de ses actes ou qui ne s'en sent pas le courage n'est bon à rien comme chef. Seul un héros peut assurer cette fonction. Sur ces bases, le 30 janvier 1933, Hitler arriva au pouvoir. Beaucoup le tournaient en ridicule. Ils annonçaient déjà son échec cuisant. Fin 1933 encore, ils le décrivaient comme un dictateur maniant le fouet. Mais Hitler l'avait écrit. À la longue, les systèmes de gouvernement ne s'appuient pas sur la contrainte et la violence, mais sur la foi en leur mérite, sur la sincérité dans la représentation des intérêts d'un peuple et l'aide donnée à leur développement. Hitler sut se faire aimer de son peuple. En 1943, dans un livret que nous rééditerons bientôt, André Chaumet écrivit « Issu de la contrainte et de la volonté de vivre, surgit sous sa géniale impulsion, celle d'Adolf Hitler, le national-socialisme, fusion du peuple entier, unit dans une nouvelle communauté socialiste le peuple allemand, tout entier destiné à être ravalé au rang de prolétariat du monde plutocratique. Grâce à l'union de tous les hommes désireux et capables de construire un ordre nouveau, le peuple allemand trouva un chemin pour sortir du chaos. Dans une situation aussi désespérée que celle de l'Allemagne, seules les forces d'un peuple ramassé sur lui-même et dressé tout entier au service d'une grande idée pouvaient conduire à la rénovation économique, culturelle et sociale. Le point essentiel de ce nouveau mouvement est qu'il créa à l'intérieur du pays un socialisme révolutionnaire destiné à mener la lutte contre l'esprit de proie des puissances bourgeoises et à instaurer un ordre nouveau dans la confusion générale du capitalisme. C'est ce socialisme entièrement rajeuni fondé sur la communauté nationale. C'est là le point essentiel que le Führer cherchait à rendre toujours présent en toute clarté et toute simplicité à l'esprit de son peuple. Sois heureux, mon cher compatriote, si dans le cadre de la communauté nationale, tu peux gagner ton pain quotidien. Tu ne mérites pas cela parce que tu es là, de par ta propre force. Tu le mérites parce que la communauté entière est debout derrière toi. Ce sont tes millions de compatriotes qui te permettent de jouir de la vie. Si tu étais seul, que serais-tu en ce monde ? Toute ta culture intellectuelle, ta fortune, tes revenus, ton traitement, ton salaire, tu ne les as pas parce que tu es membre de cette grande communauté. Tu en es redevable à chaque individu. Le degré de civilisation à laquelle tu participes peut-être aujourd'hui, ce n'est pas aux générations actuelles que tu le dois, mais au travail d'innombrables générations qui t'ont précédé, aux millions d'ancêtres allemands qui ont souvent donné leur vie afin qu'aujourd'hui tu puisses vivre à ton tour. Toute lutte de classe fut définitivement supprimée. Le combat fut entrepris contre la paresse et la domination des intérêts particuliers. Le travail fut apprécié et honoré. Tout Allemand eut droit à une tâche bien rétribuée. Les millions de chômeurs commencèrent de nouveau à travailler pour un salaire convenable, dans des locaux clairs et propres et à des heures de travail bien déterminées. Chaque individu se sentait une partie du tout social et avait le sentiment réconfortant de pouvoir agir à nouveau et d'être nécessaire à la communauté nationale. On triompha en fort peu de temps de la détresse matérielle et morale qui avait duré des années. Plus de lutte de classe, plus de misère sociale. Nul ne manquait plus en Allemagne des choses indispensables à la vie, ainsi que c'était le cas en 1935 en Angleterre, d'après ce que rapporte l'écrivain Krönig parlant de cette riche démocratie et de ses citoyens. Ils ne vivent pas, ils végètent. Ils vivent dans un état d'extrême faiblesse et de démoralisation. Il porte un fardeau d'autant plus pénible à supporter qu'il accable les épaules les plus faibles et pèse sur les êtres les plus jeunes. Le peuple allemand qui s'est uni dans la communauté de la résistance et a, dans ses modestes conditions d'existence, trouvé une nouvelle forme de vie, a recouvré en même temps le bonheur et la satisfaction. Un sens nouveau a été trouvé à la vie. Il le doit au sentiment qu'il travaille pour la communauté afin que tous puissent y vivre dans l'aisance et le labeur assuré. L'auteur évoquait ensuite l'organisation d'assistance national-socialiste que les Français avaient découvert en 1940 lorsqu'elle avait secouru les réfugiés et les prisonniers. Grâce à des cuisines ultramodernes installées très rapidement, des repas chauds avaient pu être distribués aux foules désemparées. C'est ainsi que dès l'été 1940, des premiers actes de collaboration avaient été posés, prélude à une réconciliation voulue par Hitler. En un trimestre, l'assistance nationale socialiste avait secouru plus de 2 millions de réfugiés français et belges. Évoquant cette organisation, André Chaumet écrivait « Ce n'est pas, comme l'affirment le libéralisme et le marxisme, l'individu avec ses exigences et ses prétentions qui est le centre de la prévoyance, mais bien la totalité du peuple. Il ne s'agit pas du bien-être d'un particulier, mais de celui de la communauté. Nous ne disons pas aux riches « donnez aux pauvres », mais nous disons « peuple allemand, aide-toi toi-même ». Et de poursuivre, les déshérités de la vie devenant les collaborateurs du national-socialisme. Que voilà un bel exemple du changement radical opéré dans les idées. Aujourd'hui, l'Allemagne s'apprête à développer une nouvelle conception politique et sociale fondée sur la tradition « peuple et patrie » et qui, du fond de l'âme presque uniforme du peuple, donne la possibilité de résoudre la question sociale, de sorte que cette solution agisse synthétiquement entre le peuple et l'État. Pour le faire, il faut la collaboration du peuple et de l'État, et la clé de la synthèse se trouve dans le peuple même. C'est ainsi que dans le domaine économique, on put, par des mesures de grande envergure propulsant l'enthousiasme du peuple et soutenu par les commandes de l'État, l'argent de la communauté actionnant le travail de la communauté pour procurer le mieux-être à la communauté, mettre en mouvement tout l'appareil de production du pays, ce qui eut pour première conséquence de résorber un très grand nombre de chômeurs. Puis vinrent des mesures énergiques d'encouragement en faveur de l'agriculture, qui dut rassembler toutes ses forces en vue des batailles de la production méthodiquement organisées et veiller à ce qu'une nourriture suffisante fût fournie à chacun. Ces mesures révolutionnaires et bien d'autres encore mirent si rapidement toute la machine en marche que déjà dès l'été 1933, le chômage avait commencé à régresser considérablement et qu'il disparut définitivement quelques années plus tard. Cette remise en activité de la vie économique permettait désormais d'envisager l'avenir et de prendre un nouveau départ pour une politique sociale vigoureusement menée. Déjà, les premières étapes en pouvaient être franchies. La première mesure et la plus féconde en résultats fut, dès le début de l'été 1933, la fondation du Front du Travail Allemand, association destinée à grouper tous les Allemands travaillant de leurs mains ou de leur cerveau et affiliés au Parti National Socialiste. Le Front du Travail Allemand fut constitué grâce à la fusion des anciens syndicats, des anciennes associations d'employés, des associations patronales et de toutes autres organisations représentant des intérêts corporatifs. De tout cela, on fit une organisation entièrement nouvelle, une véritable communauté de production de tous les travailleurs du peuple allemand. Son rôle est présentement de veiller à ce que chaque individu soit mis à la place qui lui convient dans la vie économique de la nation et dans les dispositions physiques et morales qui lui permettent de développer au maximum ses capacités au profit de la communauté nationale. Le Front du Travail Allemand a donc supprimé les groupes d'intérêt et par là même la lutte des classes, les syndicats ouvriers et les associations patronales. André Chaumet exposait ensuite les réussites phénoménales du national-socialisme allemand. Une jeunesse rénovée qui participait à la mise en valeur du pays. Des habitations modernes et décentes, y compris dans les campagnes. Une politique familiale rationnelle et efficace afin d'assurer l'avenir biologique du peuple. Des usines modèles aménagées pour donner à chaque membre du personnel un cadre décent. Des ateliers propres, bien éclairés et bien aérés pour préserver la santé des travailleurs. Des vestiaires pourvus d'installations nécessaires pour assurer l'hygiène. Des cantines du personnel semblables à des restaurants conviviaux, avec une nourriture de qualité préparée dans des cuisines modernes. De jeunes citadines appelées aux travaux des champs afin d'unifier la communauté en effaçant la différence entre les villes et les campagnes. Le national-socialisme, c'est ça. Voilà pourquoi je suis national-socialiste. Et la question juive, me dira-t-on, qu'en faites-vous? J'y ai répondu dans un livre consacré au sujet. Je n'y ajouterai rien. Une association juive m'a traîné en justice pour obtenir la destruction de cet ouvrage. J'ai raconté l'affaire dans une vidéo. Les spectateurs intéressés pourront s'y reporter et se procurer l'ouvrage quand notre boutique rouvrira très bientôt. Je suis également l'auteur d'un ouvrage sur Julius Streicher, l'animateur de l'hebdomadaire anti-juif Der Stürmer. Bref, je pense avoir traité la question. Désormais, je préfère me focaliser sur les réussites du national-socialisme. C'est tout aussi nécessaire et c'est bien plus constructif. Rubrique diversité, puisque le projet de Pap Ndiaye, ministre de l'éducation post-nationale, a un projet pour les écoles privées. Je vais lire un article du Figaro qui traduit donc le désarroi des familles concernées, puisqu'évidemment le spectre racial hante l'éducation nationale. Vous allez comprendre très vite de quoi je veux parler. Et je vous lis cet article tout de suite. Alors, dans une interview accordée au Figaro le 13 avril dernier, Pap Ndiaye dit attendre un engagement des écoles privées en termes de mixité sociale. Alors, tout de suite, pour nos auditeurs, remplacez le mot mixité sociale par mixité raciale. Là, vous comprendrez mieux. Alors, mais qu'attend-il exactement et pourquoi cette urgence? La publication en octobre dernier, à la demande du tribunal administratif de Paris, de l'indice de position sociale, l'IPS, a rendu fous les fonctionnaires de l'éducation nationale. C'est pourtant à leur demande que la direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance, la DEPP, a créé cet outil en 2016. Mais il a longtemps été tenu secret et ne servait qu'à décider du montant des aides accordées à chaque école, calculé sur la base de critères tels que les professions, les catégories sociales, les PCS, des parents, le type de loisirs auxquels s'adonne l'enfant, le nombre de livres dans son foyer, etc. Il a révélé, quelle surprise, que les enfants dont l'environnement était favorable à l'apprentissage se dirigeaient préférentiellement vers les bons établissements, souvent privés. Dingue, non, s'interroge donc le Figaro. Alors, je résume un peu peut-être, le journaliste peut-être utilise peut-être des termes un peu techniques. Ce qu'il veut dire par là, c'est qu'il y avait une grille d'évaluation mise en place secrètement par le ministère de l'Éducation nationale pour évaluer qui, c'est ce qu'ils appellent les élèves les plus favorisés dans l'apprentissage, en substance, les élèves blancs de bonne famille qui s'en sortaient mieux à l'école. Pourquoi ? Bah, déjà, ils sont de race blanche. Leurs parents ont une bonne situation et leurs parents leur mettent le pied à l'étrier, etc., etc. Et donc, le ministère communiste de l'Éducation nationale, soucieux de décapiter un maximum de têtes qui dépassent, avait mis en place une grille d'évaluation pour voir lesquels, d'après eux, étaient ces élèves en question qui étaient ce qu'ils appellent les plus favorisés, mais c'est un terme biaisé. C'est simplement ceux qui sont les meilleurs, intrinsèquement, pour des raisons raciales et sociales. Et comment faire pour les détruire et aider les nuls, c'est-à-dire les basanés. Ok ? Donc, ce qu'ils appellent la discrimination positive, terme piégé aussi, c'est bien la discrimination négative contre les blancs. Ok ? Voilà. Donc, je résume à grands traits ce qui a été expliqué par le Figaro. Le Figaro prend énormément de pincettes, ça jargonne, voilà. Mais moi, j'ai résumé ça comme ça, vous comprenez mieux, je pense. Même si certains avaient probablement très bien compris le message sous-jacent du Figaro. Alors, je poursuis. Fallait-il un indice pour réaliser cela, c'est-à-dire donc la décapitation des enfants de bonne famille, blancs. Un indice d'autant moins fiable qu'il est calculé en fonction d'éléments discutables et d'un système de pondération très arbitraire. Un élève dont la mère est enseignante et le père ingénieur se voit gratifié d'un généreux 79... alors qu'un autre, dont le père n'a pas souhaité renseigner sa profession et la mère est sans emploi, récolte difficilement un 37. Cela signifie-t-il que l'un a 5 fois plus de chances de réussir ses études que l'autre, s'interroge donc le Figaro, ou gagner 5 fois plus par la suite, ou rencontrer 5 fois moins de difficultés? Nul ne peut répondre à ces questions, surtout pas ses commanditaires, mais maintenant que le grand public connaît l'existence de cet indice, donc de ce système d'évaluation dont j'ai parlé, Pap Ndiaye tient à montrer sa détermination. Aucune inégalité ne résistera à son règne. Comprenez encore une fois, inégalité raciale. À supposer que l'égalité raciale existe, bien évidemment, ce qui n'est pas le cas. Alors, à défaut de pouvoir améliorer le sort de tous, il pointe du doigt les écoles qui échappent encore à la catastrophe et s'échinera à détruire méthodiquement tout ce qui leur permet de tirer leur épingle du jeu. Il avait promis d'agir en janvier, l'actualité sociale et politique en a décidé autrement, sous-entendu le bordel autour des retraites. Le printemps a réveillé ses ardeurs socialistes, nous dit encore le Figaro. Mais comment obliger la fille d'un couple d'avocats d'affaires, passionnés de harpe et d'équitation, à fréquenter une école de ZEP? D'accord, tout le thème de la mixité sociale, c'est comment faire pour prendre des babouins de banlieue, pour les foutre dans des écoles privées chics, voire inversement. N'est-ce pas? Voilà, c'est ça ce dont il est question. Comment l'empêcher de s'inscrire dans une école privée que ses parents lui offriront, très souvent d'ailleurs, pour échapper à la sectorisation scolaire? Alors, sectorisation scolaire, ça veut dire l'assignation territoriale en fonction de votre lieu de résidence. On va mettre vos gosses dans une école sur la seule base de votre lieu de résidence. Donc, il y a des tas de gens qui contournent la carte scolaire, vous savez ça très très bien. Beaucoup d'hypocrites, d'ailleurs, ils votent tous Macron, ils votent tous à gauche, c'est tous des bobos finis, mais dès que leurs petites têtes blondes sont menacées, hop, il faut absolument limiter les contacts avec Mokhtar et sa clique à l'école, dans la cour de récréation, vous comprenez, vous connaissez tous ces hypocrites de gauche-là. Ben, c'est exactement ce dont il est question. Comment permettre à des familles modestes d'accéder aux meilleures écoles? Comment, comme il n'est pas encore question de contraindre par corps, par la force, les individus à se rendre là où ils ne souhaitent pas aller, Pape Ndiaye n'a d'autre possibilité que de menacer les établissements privés qui ne montreraient pas leur bonne volonté, de ne plus verser tout ou partie des subsides qu'ils reçoivent au titre de l'accord Lang-Kloupet de 1992. Alors là, il cite Ndiaye, il ne doit pas s'agir d'un vague engagement, mais d'un engagement avec pourcentage. Il y aura bien des objectifs chiffrés progressifs. Ce protocole est pratiquement prêt. Des pourcentages de pauvres, s'interroge le Figaro, d'illettrés, de minorités visibles, de gens de petite taille, de bouddhistes. Les écoles catholiques, puisque ce sont elles dont on parle, accueillent déjà des enfants d'autres confessions et ont leur lot de personnes handicapées ou d'enfants en échec scolaire. L'IPS révèle du reste que dans certaines régions ou certains quartiers, ce sont elles, les écoles catholiques, qui accueillent majoritairement les élèves dits défavorisés. Le ministre sait que ces mesures sont attentatoires à la liberté. Cela ne le dérange visiblement pas. Rien n'arrête l'égalitarisme. En revanche, a-t-il réalisé qu'il faisait le jeu des écoles hors contrat qui, elles, échappent totalement à ces contraintes? Autrefois inaccessibles pour des raisons financières, elles sont en pleine expansion et se démocratisent grâce à des fondations, des mécènes et une saine gestion de leurs finances. A-t-il prévu de les interdire, comme son prédécesseur l'a fait pour l'instruction en famille, soumise à tant de contraintes qu'elle en est devenue quasiment impraticable? Ce serait lui prêter de mauvaises intentions, d'autant qu'il scolarise ses enfants à l'école alsacienne, école libre, donc hors contrat, qui, à ce titre, ne sera pas assujettie à cette politique de quotas. On aurait pu d'ailleurs espérer qu'il entreprenne des réformes pour ces 80% de Français qui souhaiteraient avoir le choix du public ou du privé, du meilleur pour chacun de leurs enfants. Alors, voilà en substance le message du Figaro sur le sujet. Vous avez compris que ça hurle hein, au Figaro, parce que c'est la bourgeoisie blanche, protégée jusque-là par l'argent, le mur de l'argent, qui a peur. Elle a peur parce que la pression étatique du nègre Ndiaye, dont la femme est Jeanne Lazarus Mangin, donc la juive qui descend partiellement du général Mangin, qui déjà à l'époque avait lancé les tirailleurs sénégalais contre les positions défendues par l'armée allemande en Europe. Donc il y a de la continuité dans le service là aussi. Donc ils s'inquiètent, ils ont peur, hein, voilà, parce qu'une fois que les écoles privées sont ciblées par l'argent, plus de subventions, plus de soutien, et à l'inverse, soutien pour d'autres écoles concurrentes, etc., etc. Donc on va truquer la concurrence pour favoriser ceux qui vont négrifier à outrance, islamiser à outrance, et là où il y aura de la résistance, on va raboter les aides, ou on va carrément les supprimer. Alors là, je voudrais votre réaction. À mon avis, vous n'êtes pas du tout étonné, mais qu'est-ce que vous voulez dire là-dessus? Parce que donc, on a bien vu que l'école à la maison, ça a été oblitéré au nom de la lutte contre l'islamisme ou je ne sais pas quoi. En fait, c'était des catholiques en pratique, mais ça a été vendu comme ça. Les écoles privées, maintenant, vont devoir rendre des comptes pour les raisons que j'ai dites. Et il y a aussi le spectre de la suppression du hors-contrat. C'est pas encore mis sur la table, mais je pense que ça n'est plus qu'une question de temps. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Bah, plusieurs choses. Déjà, je pense que je commencerai par déjà l'idéologie sous-jacente à ce genre de décision par le gouvernement. C'est la première chose, c'est l'égalitarisme républicain, c'est-à-dire que tout le monde doit être égaux, que ce soit dans les droits, bon voilà, ça on peut le comprendre, mais aussi dans les chances. Alors ça par contre, ils ont un peu plus de mal à le définir, mais ça les empêche pas de promouvoir justement ce genre de loi pour le faire. L'égalitarisme en fait, c'est toujours une chimère. Et l'égalitarisme, ça finit toujours par couper les têtes qui dépassent, au propre ou au figuré d'ailleurs. L'égalitarisme, en fait, c'est de prendre, c'est comme si vous preniez plusieurs bâtons qui ont différentes tailles, vous voulez les rendre tous égaux, bah il faut couper. C'est pas, on va pas essayer de faire pousser les bâtons, hein, bien sûr, non, on va couper ceux qui dépassent. Croire que ça améliorera la situation pour tout le monde, etc., ça c'est une chimère. Ça va dans le sens d'ailleurs de l'école qui aujourd'hui croit largement que l'enseignement c'est principalement les élèves qui se le dispensent entre eux, qu'ils retiennent mieux si c'est un de leurs camarades qui va leur expliquer, etc. Donc finalement, il n'y a plus besoin de travailler, on balance la charge de travail aux élèves, les profs sont là pour vérifier, encadrer ou quoi que ce soit. Et on se retrouve avec un niveau terrible chez les élèves et on se demande pourquoi. Ce niveau terrible, certes, il est lié en partie à l'immigration, mais aussi à des méthodes d'enseignement qui seraient complètement à revoir et à refaire. Mais ça va aussi dans le mouvement, au-delà de l'égalitarisme, de volonté de contrôle quasi total, par la République, de tous les citoyens. C'est-à-dire, on veut vraiment pouvoir contrôler ce qui va leur être enseigné, puisqu'ils savent très bien que selon ce que vous allez enseigner aux enfants, eh bien, vous les pousserez dans un sens ou dans l'autre, et les pousser dans le sens de la République maçonnique, c'est leur seul objectif. Il y a eu un test pratique de ce que vient de dire notre camarade Nogaret dans l'égalitarisme, l'étude scientifique qui avait été faite par, que j'ai déjà cité ici dans l'émission, mais on va la reciter parce que c'est quand même très drôle, par le psychologue américain Kellogg en 1930 qui avait tenté d'éduquer son enfant et un singe. Et il voulait absolument avoir un traitement absolument égal, entre l'enfant et le singe, pour pouvoir faire un peu plus évoluer le singe, qui essaie d'avoir des capacités cognitives supplémentaires. Et ça commençait un peu à fonctionner. D'ailleurs, le singe arrivait un peu à communiquer de manière un peu plus humaine, et donc c'était plus intéressant. Mais il a dû arrêter l'étude au bout de 9 mois, parce qu'en fait, l'enfant a commencé à se comporter comme un singe. Et donc, je trouve qu'on peut faire beaucoup de parallèles avec tous nos enfants blancs qu'on envoie dans les jungles urbaines, là, en ZEP, et qui traînent aussi avec d'autres singes. Ça ne peut pas se passer autrement, à la fin ça va faire le même résultat, c'est-à-dire un nivellement par le bas. Et puis en fait, les gauchistes, c'est ça finalement, les gauchistes, ils ont compris tout ça un peu, et ils font un peu la politique de l'autruche, mais quand ça concerne leurs enfants, alors là par contre c'est différent, quoi. Tout le monde a compris qu'il fallait absolument pas mettre ses gosses dans des fameuses ZEP égalitariste de la République, de blablabla. Non, vous faites ça, c'est fini. Vous tuez l'avenir de vos enfants. Donc en fait, c'est la ligne rouge qu'ont compris les gauchistes, qui sont terriblement hypocrites, comme l'a dit en préambule Gandalf, et comme l'applique d'ailleurs ce sale singe de NDI, de l'Éducation nationale. Attends, NDI, je sais plus c'est quoi son nom. Ils ont plus donné la con. Ouais, c'est ça. N'Bolo, machin. Bon, bref, voilà. Qui lui, hors contrat, tranquille, quoi, je veux dire. Parce qu'il a compris finalement qu'il n'y avait que deux solutions. Donc, solution numéro un, dont on a parlé un peu l'article, c'était l'école à la maison, qui, avant la fameuse loi sur le séparatisme, déjà assez compliqué, ça coûtait déjà très très cher. D'accord. Et là, en plus, ils ont rajouté d'autres contraintes, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est vrai que ça devient vraiment pour des familles très favorisées et qui ont aussi du temps, quoi. Alors, c'est simple, toutes les familles dont les deux parents ont des activités, dans la pratique, elles ne peuvent pas mettre en place ce genre d'éducation. Bah, il faut au moins un des deux parents qui reste à la maison. Ouais, bien sûr. C'est juste pas possible. Ou alors, vous embauchez quelqu'un, mais bon, bref. Ils ont fait en sorte que 99% en fait, des gens qui pratiquaient ça, c'était des grandes familles cathos très, très bourgeoises, d'accord ? Mais ils ont dit, attendez, il y a quand même des séparatismes, etc. Vous voulez quand même pas vous faire exploser par des islamistes, messieurs ? Non ? Bon, du coup, on va sucrer ça. Hop, c'est passé. Donc ça, c'est la solution numéro un, donc, qui, dans la pratique maintenant, est devenue un peu inexistante, très compliquée. La solution alternative que je conseille absolument à personne, c'est de mettre ces enfants dans des écoles privées catholiques. Ça change rien. École publique ou école privée catholique. Même si vous mettez catholique, ça change rien du tout. Ça serait le même bazar à la fin. Même les Arabes, on en marre des Arabes. Donc en fait, même les Arabes squattent les écoles privées catholiques. Donc en fait, la seule alternative, maintenant d'un ordre purement pratique, sont les écoles privées hors contrat, voilà, qui généralement sont catholiques aussi, mais qui ne coûtent pas très cher et qui, pas très cher. C'est relatif, bien sûr, mais en tout cas, il y a un certain nombre d'aides qui sont proposées. Et là, en termes de pollution raciale, donc, il n'y en a pas beaucoup à travers la France, d'accord. Donc, si vous êtes dans une zone un peu reculée, ça va être compliqué. Mais généralement, les élèves sont en pension complète, donc ceci peut aider. Ouais, c'est complètement à l'ancienne. Hein. Il y avait eu tout un tas de, il y a un reportage qui, je trouve assez comique parce que maintenant, de l'eau a coulé sous les ponts, qui est passé sur France 2, qui s'appelait à l'extrême droite du père, qui faisait une enquête avec un journaliste qui était infiltré dans des fameuses écoles privées hors contrat catholiques, avec l'abbé Laguérie, qu'on connaît bien dans le milieu. Hein, qui vote pas à gauche. Hein. Sympathique abbé. Alors, il n'était pas mentionné précisément, etc. Mais en tout cas, dans les cours d'histoire, ça parlait. Bon, par contre, vous ne parlez pas trop de la Shoah, là, qu'est-ce qui se passe? Ça, ils en ont déjà plein les oreilles. Je me rappelle bien ça. Le général de Gaulle. Alors, les enfants, comment est-ce qu'on appelle quelqu'un qui, en temps de guerre, fuit à l'étranger pour ne pas participer au combat? Un déserteur. Enfin, vous voyez l'ambiance qui règne dans ces écoles privées hors contrat, quoi. Donc, ça, c'est intéressant. Oui, mais en fait, comme c'est marginal, que c'est pas un phénomène de société de fond, la République des loges n'a pas jugé nécessaire d'enfoncer le clou, ça change. C'est-à-dire que ce qui est pointé du doigt par le Figaro, peut-être un petit peu excessivement, en disant voilà, l'école hors contrat se porte bien, bien sûr qu'elle risque de bien se porter, fatalement, puisqu'on voit bien que la pression se rend... Tu l'as bien dit, les écoles privées sous contrat. Traditionnellement, les écoles catholiques lambda qu'on connaît, qui concernent 20% du nombre d'élèves total en France, sont alignées sur les programmes de l'éducation nationale, donc ne se distinguent pas parce qu'elles enseignent du reste de ce qu'enseigne l'éducation nationale. Il y a simplement une espèce, dans une certaine mesure, de filtrage un petit peu par l'argent, et je dis bien un petit peu parce qu'on demande un petit peu d'argent aux familles, donc on va dire que les familles vraiment ric-rac ne peuvent pas, encore que, il faut savoir que les églises catholiques sollicitent de la part des familles de l'école un soutien financier pour les familles les plus modestes qui veulent pouvoir rejoindre l'école mais n'en ont pas les moyens. Donc, dit autrement, régulièrement, l'église catholique, les écoles catholiques demandent aux parents d'élèves des écoles catholiques à se cotiser pour payer un peu la différence de ceux qui voudraient rejoindre et qui ne peuvent pas parce qu'ils n'ont pas tout à fait les revenus. Je pense que c'est après une étude un petit peu approfondie du profil des personnes qui demandent. Hein. Je veux dire, voilà, c'est pas non plus le tout venant, mais voilà, s'ils voient que c'est des gens bien qui veulent scolariser leurs enfants dans le privé catholique, bon, s'ils disent voilà, on est un peu précaire et tout, bon, voilà, on dit bon, on peut payer la différence. Donc il y a quand même un ça c'est quand même assez positif, il y a quand même un esprit de solidarité qui réel, parce qu'on demande en fait aux parents de se cotiser. C'est pas comme la solidarité étatique qui est obligatoire, en fait, vous voyez. En fait, tout le monde raque, mais personne ne donne son avis. Ça, c'est le système communiste. Je préfère le système où les gens volontairement apportent leur aide à quelqu'un, parce que c'est sincère, Et c'est plus durable, hein, c'est plus durable. Voilà. Donc ça, c'est peut-être pas connu, mais ça existe. Effectivement, l'enseignement catholique n'est pas du tout en marge du régime républicain, pas du tout, pas du tout. Il y a simplement les aspects les plus extravagants qu'on trouve dans le public, qui ne sont pas dans l'enseignement catholique privé, on va dire. Genre, vraiment les trucs tapageurs et tout. Bon, ça, on va pas trouver. Et dans le programme, ils ont même une obligation de de suivre exactement le programme à la lettre comme les autres. Bien sûr, tout à fait. Dans la pratique, il y a peut-être un crucifix dans une classe, quoi. Ce que ça va changer. Il y a même pas de cours de catéchisme ou de machin, hein, ça change rien. Par contre, il y a un truc, il y a quand même un truc, c'est qu'à cause de la sectorialisation, c'est-à-dire que d'être dans le public, enfin les écoles publiques ont l'obligation de scolariser les enfants qu'on leur présente sur une base territoriale. Les écoles privées catholiques, ça marche un peu différemment. C'est-à-dire que tu demandes à rentrer dans l'église, même si elle est sous contrat, tu demandes à rentrer dedans. Donc ça, c'est différent. Donc c'est pour ça que l'essentiel des cas sociaux halogènes sont dans le public. Et même si idéologiquement et dans le programme, ils sont alignés, sociologiquement dans la composition des publics de l'enseignement, c'est pas vrai partout, mais c'est quand même un peu mieux. Je dis bien un peu mieux. Toutes choses étant égales par ailleurs. Mais là, et c'est ce dont se plaint Ndiaye, le nègre woke, c'est que ça ne va pas assez vite. C'est-à-dire qu'il y a des moules de résistance de la bourgeoisie blanche, catholique, hypocrite d'ailleurs, parce que un bon nombre de ceux qui foutent leurs gamins dans l'enseignement catholique ne le sont pas eux-mêmes, mais sont issus de la bourgeoisie. Et votre Macron... peut-être même pour les plus faux culs, vote Mélenchon, mais ils cherchent à protéger leurs petites têtes blondes des petites têtes crépues. Et donc, contournent. Et là, ça ne va plus, parce que Diaye, lui, c'est un nègre, et lui, il est pour la démocratie raciale totale, c'est-à-dire l'Afrique du Sud. Donc, ça va mal tourner pour les bastions blancs qui résistent, et donc il attaque au porte-monnaie, c'est ce qu'il dit, voilà, les subventions, c'est fini. Je vous donnerai du pognon, sous-entendu l'argent blanc, hein, c'est l'argent des contribuables français. Je vous donnerai le pognon que j'ai volé aux blancs, à condition que vous me collez des nègres dans vos classes. Je veux voir du Fofana, de l'Abdelkader dans vos écoles, pour blonds, là. Ça ne va plus. Et voilà. Alors, personnellement, Je vais être quand même un petit peu acide par rapport à ça, parce que la bourgeoisie française, donc je dis bien bourgeoisie, je dis pas spécifiquement catholique, je dis bourgeoisie, les gens qui avaient du fric. Ils s'en foutaient quand il y avait des bougnoules et des bicots dans toutes les écoles publiques de France et de Navarre qui faisaient chier les petits blancs matin, midi et soir. Au contraire, ils donnaient des leçons sans arrêt aux gens qui votaient Le Pen. Maintenant, c'est leurs gosses à eux qui vont se retrouver avec cette vermine. Ah bah là c'est différent, ah bah là non, attends, et trop loin, voilà. Eh ouais, c'est-à-dire que c'était facile de se cacher derrière le mur de l'argent, hypocritement. Maintenant ça déboule chez eux, par la force de l'État. C'est plus pareil là. Et les échappatoires se réduisent, et c'est d'ailleurs ce que nous dit Ndiaye. Il nous dit bien, voilà, c'est ce qu'on nous fait comprendre. On nous dit, voilà, non, mais de toute façon, on va arriver à un moment, il n'y aura pas d'alternance, on vous laissera pas, c'est pas l'école à la maison. Bon, ça, de toute façon, c'était marginal, mais vous oubliez. Et c'est ce que dit dans le Figaro à propos des écoles hors contrat. C'est évidemment qu'au bout d'un moment, parce que c'est un effet de vase communicant, les gens, ça ne sera pas la majorité, bien sûr, mais une partie des gens du privé catholique qui cherchent à échapper à ça, vont se dire, bon, bah, le tout pour le tout, ok, banco, allons dans le hors-contrat. Et là, ils vont tomber sur le hors-contrat. Et ça sera très facile de tomber sur le hors-contrat, il suffira de dire, mais de toute façon, ils sont en dehors de l'État, on est à deux doigts du terrorisme. Ils vont dire ça comme ça. Ils vont dire, mais c'est des sectes, c'est des islamistes, c'est des salafistes, ou c'est des intégristes nostalgiques de Pétain, vous en faites pas, ils vont nous sortir, je sais pas moi, ils vont aller faire une caméra cachée, encore, ils vont faire une caméra cachée dans une école hors contrat, machin, je sais pas quoi, ils vont peut-être même payer un figurant pour faire une sortie comme ça, on s'en fout, ils vont dire, ouais, il faut foutre les juifs dans une chambre à gaz, bon, ça va être... Ensuite, ils vont nous en faire la même, dans un truc salafiste, ils vont dire, ah putain, au secours, leur contrat, mais en fait, c'est un repère de musulmans, machin, et là, ils vont arriver la voie du milieu, ah bah, vous avez vu, hein, il est quand même temps que la République prenne ses responsabilités, tu vois. Et là, ils vont sucrer leur contrat. C'est le même numéro que... Et Mélenchon va foncer là-dedans. Qu'est-ce qu'il va dire, Mélenchon? Parce que n'oubliez pas qu'il y a beaucoup de profs qui soutiennent Mélenchon. Comme le numéro qu'il nous fait sur l'Alsace, là, avec le Concordat. Putain, il est fou avec ça, quoi. Il n'arrête pas avec ça. Je sais, oh là là, le lourd. Oh, le non, lourd. Mais le truc, il sort du 18e siècle, quoi. Je veux dire, bon. Il revient avec ça sans arrêt à la charte. C'est les obsessions du franc-mac du Grand Orient. C'est des trucs que tu... Je veux dire, c'était déjà has-been dans les années 60, quoi. Tu vois, le bouffeur de curé, bah, tu vois. Il n'y a plus un cure à l'horizon. Et bon, mais bon, peu importe. Il va nous dire, oui, mais oui, on a marre, le hors-contrat, les salauds, pas de place en République pour les sécessionnistes. Ils vont parler comme ça, donc déjà tout... La République, les enfants appartiennent à la République, aux parents, voilà. Et alors, ils vont faire quoi, du coup? Tu peux pas avoir tes enfants à la maison, tu peux pas les avoir en hors-contrat, donc tu vas être obligé de les foutre dans leur goulag. Et là, ils seront en contact de Mokhtar et Mamadou, vous voyez? Voilà. C'est ça l'objectif, n'est-ce pas? Bah, je sais pas, moi, je connais pas l'état d'esprit des parents d'élèves parce que. Bon, alors, des salauds. Vas-y. Les nazis sont des salauds. Alors, moi, je sais parce que on me l'a répété un million de fois. Alors, pourquoi les nazis sont des salauds? Moi, à l'école, justement, à l'école, on m'a dit que c'était des salauds parce qu'ils faisaient de l'endoctrinement de la jeunesse. Ah, bah tiens! N'est-ce pas exactement ce dont nous sommes en train de parler? Ouais, mais il le faisait sur des vertus positives. C'est toute la différence. C'est pas possible. Non, Gandalf, c'était des salauds. Il leur faisait faire du sport. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Non, des salauds. Et du scoutisme, effectivement. Mais bon. Ouais. Avec tout un tas d'enfants défavorisés qui n'avaient jamais accès aux vacances et à des sports autres que. Là que aussi football. Mais là aussi, c'est pour aider les enfants défavorisés. C'est quoi ce mauvais esprit, là? C'est quoi ce mauvais esprit? J'aime pas ça. Ah, bah, ils font du breakdance. Voilà, bah, tout à fait, on va mettre des négresses à remuer leur cul dans les écoles chicos, là, au milieu des élèves catholiques blancs, là, blonds aux yeux bleus, etc. De toute façon, déjà, ils sont louches, ils sont blonds. Non, rigolez pas, mais en fait, dans l'esprit d'NDI, c'est ça, hein, à partir du moment où t'es blond aux yeux bleus, t'es louche. Hein. Bah, Mélenchon, par exemple, lui, on en parlait, lui, il aime pas ça. Il a dit plusieurs fois, dès qu'il y a des blonds aux yeux bleus, il se sent pas bien. Il a des. Fou. Il se sent mal, ouais. Nogaret, l'éradication des derniers bastions blancs du privé, comment ça va se passer d'après toi? Non, j'allais dire, c'est même pas que si tu es blond, tu es louche, c'est que si tu es blond, tu es coupable. C'est le stade au-dessus, je pense. Ils ne sont plus aussi timorés que de nous donner le bénéfice du doute. Mais sinon, pour répondre à ta question, je pense que on voit finalement une différenciation entre la bourgeoisie, de manière générale, et la grande bourgeoisie. La grande bourgeoisie ne se verra pas imposer ce genre de choses, elle aura toujours assez de liberté pour mettre leurs enfants où ils veulent et pour aussi rester entre eux. Et finalement. Pardon, excuse-moi de te couper, Nogaret, très vite fait, la très grande bourgeoisie, effectivement. Elle a plusieurs résidences, donc la carte scolaire, elle l'a choisie. Voilà, excuse-moi de t'avoir coupé. Non, mais je remarque tout à fait juste que tu fais bien d'ajouter. Mais oui, finalement, en fait, la bourgeoisie, comme tu l'as évoqué, Gandalf, c'est bien fait pour eux d'une certaine manière, parce que quand ça arrive au bas peuple, ils s'en foutent. Et là, ils vont voir un petit peu les effets sur leurs enfants. Peut-être ça leur induira un début de réaction, alors qu'il sera sûrement réprimé par le gouvernement, hein, à juste titre. Voilà, c'est, je pense que ça va être bon, et de s'en préserver à la fois, et les bourgeois se feront cocufier par les grands bourgeois. Oui, il est évident que les petits-enfants et arrière-petits-enfants de Bernard Arnault n'ont rien à craindre quant à la proximité éventuelle avec des rabzas de banlieue, je veux dire, ça c'est sûr, ça n'arrive. De toute façon, ils sont même pas en France, ils sont en Suisse, dans des pensions privées, ultra chicos, donc on le sait, ça. Donc, le processus s'est lancé, et bien avec une dimension raciale, parce qu'on dit, oui, j'aime bien l'hypocrisie française. D'ailleurs, il s'en était plein, hein, Ndiaye, il est allé aux États-Unis, il s'en était plein, il dit, oui, mais vous comprenez, parce qu'aux États-Unis, c'est débridé. Là-bas, on peut parler de on peut diaboliser les blancs vraiment ouvertement, quoi. On peut dire, voilà, on va foutre des nègres partout parce que. Et d'expliquer ça là-bas, parce qu'on lui en avait fait le reproche. Il dit oui, mais on comprend pas votre truc là. On peut pas parler franchement d'ethnie. Des trucs. Oui, oui, il dit, mais comprenez bien que dans le contexte français, ça pourrait être utilisé par l'extrême droite. Tu vois, donc le mec change pas de cap, quoi, je veux dire. Et là, il faut quand même aussi interroger, parce qu'il faut quand même porter les responsabilités, c'est qu'en définitive, bon, évidemment, NDI en lui-même n'est pas, est simplement un symptôme. C'est quelqu'un qui exprime une évolution sociale. Et celui qui l'a désigné là, c'est Macron. C'est lui qui l'a mis là. Et Macron savait très bien ce qu'il faisait. Macron a nommé sciemment un démolisseur. Et c'est d'autant plus drôle que les écoles qui vont être ciblées sont des écoles qui ont, sont des écoles dont les élèves viennent de familles qui votent massivement Macron. C'est vraiment la bourgeoisie française des villes. Hein. C'est pas les zones rurales. Hein. C'est principalement les villes. Et là. On voit le travail de sable de Macron, de ce cynique, qui doit s'en amuser follement en privé. Il doit se dire, oh là là, il s'en amuse, c'est quelqu'un qui rigole beaucoup de voir les gens pris dans. C'est vraiment le plaisir du scorpion, tu vois, qui pique la grenouille, tu vois. C'est ça Macron, tu vois. Tu m'as fait confiance, bah oui, mais je suis un scorpion, tu vois. Et voilà, c'est exactement ça, c'est la jubilation cynique. Du scorpion, quoi. Voilà, c'est ça, c'est lui. Il l'a mis là, il savait ce qu'il faisait. Il dit, voilà, je mets un nègre wokiste, il va me faire des miracles, il va arriver d'un bien à l'autre, il va me faire des trucs, tu vois. Et voilà, et, sous son air placide, l'ignoble nègre dit, ah, il fait son boulot de destruction. Et évidemment, comme la bourgeoisie française est flasque, molle, sans épine dorsale, sans courage, elle va grogner dans quelques colonnes du Figaro, il y aura des témoignages. Ben, ils vont l'avaler, leur bol de merde, servi par ils vont l'avaler. Voilà, ils vont pas se révolter, ils vont pas, voilà. Enfin voilà, la négrification est en marche, l'islamisation bien sûr est en marche, la racaillisation est en marche. C'est certainement pas d'aujourd'hui, mais c'est, la différence, c'est que voilà, c'est à l'assaut des beaux quartiers, des écoles chics, des écoles préservées, des écoles sélectes. Et par la force de l'État, encore une fois. Et donc là, ils ne pourront pas y couper. Sauf, évidemment, les très grandes familles qui auront tout le loisir de mettre leurs enfants à l'étranger. En Suisse, notamment, ou ailleurs. Mais pas en France, quoi. Parce qu'en France... Alors, vous savez, le Mohamed Merah, il a fait un carton dans l'église Azra Torah, là, je sais plus quoi, qui est une école privée. Et c'est pas une église, c'était une école juive, c'est pas une église. J'ai dit église ? Ouais. Désolé, excusez-moi. Je veux dire école. L'école privée contrat, qui est juive. Mais peut-être qu'il y aura. Si jamais ils font une réforme, je pense que là, il y aura quand même une petite exception. Parce bah oui, il faut être juif déjà. Bah oui, il faut être juif dans une école hors contrat juif, il faut être juif. Là, ça sera gardé, ça, parce que vous comprenez. Déjà, il y a eu Mohamed Merah, donc quand même, s'il vous plaît. Ça, c'est intéressant, l'histoire de... Parce que les Juifs ont leurs écoles, de plus en plus pour des raisons de sécurité. Hein. Eh oui. ça, c'est marrant, parce que c'est des tabous, ils n'osent pas trop le dire. Parce que, vous allez me dire, mais c'est bizarre, pourquoi ils le cachent, les Juifs? Ils adorent parler de leur souffrance. Ben non, parce que les Juifs sont à fond pour l'immigration. Et s'ils avouent que ça se passe un petit peu mal, y compris pour leur gueule, le mythe en prend un coup, quoi. Donc, en fait, eux, ils prennent leur disposition. Ils ont leur bunker, quoi. Et ils n'en font pas trop état. Et comme ça, le système peut continuer, quoi. Voilà. Donc, ils s'écartent des bougnoules, en fait. Hein. C'est pareil dans les zones de peuplement aussi. Hein. Ils convergent tous vers le 17e arrondissement, là. C'est une vraie colonie juive, là. Ça, c'est... Là, les... Oui, de toute façon, ce sont des binationaux, donc vous savez, hein, je ne suis pas inquiet pour ces gens-là, ils peuvent partir comme ça si jamais ça se passe mal. Trinationaux, hein, comme Bozo le clown, là, la sénatrice. Ah, je crois qu'elle a 4 passeports, Esther Ben Machin. Ah, 4 ? Je crois que c'était 3, moi. Il y avait elle, aussi, elle est turque, elle est française, elle est israélienne. Ouais, et c'est quoi le 4e ? Attends, je vais te dire ça. Je crois qu'il n'y a que les 3. Hein. Patrick Drahi aussi a, en a trois, Suisse, France et Israël. La Suisse, c'est pour des raisons bancaires. Bon, on se refait pas. Ah non, pardon, elle n'en a que trois. Que trois. Bon, sur les trois, il y en a, il y en a vraiment un qui est important, le reste. Mais tu sais, ça veut dire qu'elle elle est trois fois patriote. Voilà ce que ça veut dire. Ouais. Voilà ce que ça veut dire. D'ailleurs, si demain il y a une guerre entre la Turquie et Israël, on sait exactement pour qui elle prendra fait et cause. Hein. Elle refusera de s'engager. Première ligne de sa fiche Wikipédia, Esther Benbassa est descendante d'une famille de juifs expulsés d'Espagne en 1492. C'est 1492. Il faut qu'ils en parlent à la première ligne, tu vois, genre ça a une incidence directe sur son, sur sa biographie. Quoi. Cinq siècles après, elle est encore en train de chialer. Cinq siècles après, ils sont toujours aussi insupportables, quoi. Hein. Voilà, voilà, voilà, voilà. Hein. Ceci expliquant cela. Et puisqu'on parle de juifs avant de nous séparer, est-ce qu'éventuellement on peut parler de la démocratie avancée ukrainienne, moi qui me fascine, parce que vous savez que je suis un partisan de l'Ukraine à fond. Il faut absolument vaincre le fasciste Poutine pour défendre le droit des homosexuels en Russie. C'est mon grand dada, ça. Malheureusement, y a, sur le chemin de la démocratie, il y a toujours des petits imprévus. Et par honnêteté intellectuelle, même si je défends évidemment la Gay Pride à Kiev, je dois quand même donner les informations. Il y a Seymour Hersh, qui est un journaliste très connu aux États-Unis, évidemment très sérieux, hein, qui a nouvelle révélation, c'est lui qui avait indiqué d'ailleurs qu'il avait que Nord Stream avait été victime d'une opération pilotée par la clique de Biden, hein, de la Maison Blanche. Et là, nouvelle révélation, dont je vous livre le contenu, ça a été publié sur son Substack, donc son site perso. Alors voici ce qu'il dit. Le gouvernement ukrainien, dirigé par Volodymyr Zelensky, a utilisé l'argent des contribuables américains pour payer très cher le carburant diesel indispensable à l'armée ukrainienne dans sa guerre contre la Russie. On ne sait pas exactement combien le gouvernement Zelensky paie par litre. Pour le carburant, mais le Pentagone payait jusqu'à $400 pour environ 3 litres et demi pour transporter l'essence d'un port au Pakistan par camion ou parachute jusqu'en Afghanistan pendant les décennies de guerre américaine dans ce pays. Donc ce que veut dire Hersh, c'est que le Pentagone payait très cher le carburant qui était envoyé du Pakistan jusqu'en Afghanistan au plus fort de la guerre en Afghanistan. Sous-entendu, l'armée américaine est prête à mettre beaucoup d'argent sur la table pour le carburant. Ce que l'on ignore également, c'est que Zelensky a acheté le carburant à la Russie, pays avec lequel il est en guerre, tout comme Washington, et que le président ukrainien et de nombreux membres de son entourage ont détourné des millions de dollars américains destinés au paiement du carburant diesel. Selon une estimation des analystes de la CIA, les fonds détournés s'élèvent actuellement à $400 millions au moins pour l'année dernière, donc la période de 2022. Un autre expert a comparé le niveau de corruption à Kiev à celui de la guerre en Afghanistan, bien qu'aucun rapport d'audit professionnel n'émerge de l'Ukraine. Zelensky achète du diesel au rabais aux Russes, m'a dit un agent du renseignement américain bien informé, et qui paie le gaz et le pétrole, nous, Poutine et ses oligarques gagnent des millions. De nombreux ministères à Kiev ont littéralement rivalisé, m'a-t-on dit, pour créer des sociétés de façade, des sociétés écrans, en vue de contrats d'exportation d'armes et de munitions avec des marchands d'armes privés du monde entier. Alors là, on parle des armes livrées par les Américains à la clique de Zelensky qui sont revendues au marché noir dans le monde entier. Qui versent tous des pots de vin. Nombre de ces sociétés se trouvent en Pologne et en Tchécoslovaquie, c'est-à-dire les Polacks touchent une partie là-dessus, vous comprenez tout l'intérêt qu'ils ont de voir des livraisons d'armes s'accentuer. Vous écoutez le gouvernement polonais, il n'est que question de livrer des armes à l'Ukraine, posez pas de questions, ils touchent une part là-dessus. Mais d'autres existeraient dans le golfe Persique et en Israël, tiens. Je ne serais pas surpris d'apprendre qu'il en existe d'autres dans des endroits comme les îles Caïmans ou le Panama et que de nombreux Américains y sont impliqués, m'a dit un expert américain en commerce international. La question de la corruption a été directement soulevée avec Zelensky lors d'une réunion en janvier dernier à Kiev avec le directeur de la CIA en personne, William Burns. Le message qu'il a adressé au président ukrainien, m'a dit un fonctionnaire des services de renseignement, ayant une connaissance directe de la réunion, était digne d'un film de la mafia des années 50. Les généraux, les hauts fonctionnaires de Kiev étaient en colère contre ce qu'ils considéraient comme la cupidité de Zelensky. Donc comprenez bien, les généraux ukrainiens et les membres du gouvernement ukrainien étaient en colère contre Zelensky. Pourquoi ? Parce qu'il en prend trop pour lui, a déclaré Burns au président ukrainien, car, je cite, il prenait une part plus importante de l'argent de l'écrémage, donc sur les livraisons de pétrole, que celle qui revenait aux généraux. Donc il y a un accord tacite entre la CIA, Biden, Zelensky, les généraux ukrainiens, pour prendre une partie de l'aide américaine et se la redistribuer en douce entre eux. Zelensky prend trop, ce qui fait enrager les généraux et les bureaucrates ukrainiens qui ont cafeté auprès de la CIA. Le patron de la CIA est allé à Kiev en personne et a dit à Zelensky, il faut que ça s'arrête, t'en prends trop pour ta pomme, il faut arrêter ça. Il y a du mécontentement, ça se passe mal. Et dans la foulée, effectivement, il y a des mecs qui ont été virés. Donc je continue. Burns a également présenté à Zelensky une liste de 35 généraux et hauts fonctionnaires dont la corruption était connue de la CIA et d'autres membres du gouvernement américain. Zelensky a répondu à la pression américaine 10 jours plus tard en limogeant publiquement 10 des fonctionnaires les plus ostentatoires de la liste, donc c'est seulement 30% de la liste, hein, et en ne faisant pas grand-chose d'autre. Les 10 personnes dont il s'est débarrassé se vantaient effrontément de l'argent qu'elles possédaient, se promenant dans Kiev au volant de leur nouvelle Mercedes, m'a raconté le responsable des services de renseignement. Alors, Seymour Hersh continue, il explique qu'il y a aussi la question du déploiement des forces américaines, notamment 82e et 101e division aéroportée en Roumanie. Donc c'est des unités d'élite de l'armée américaine. Elles sont là, à la frontière ukrainienne, et la CIA se pose des questions, c'est-à-dire que la CIA a été mise, grosso modo, sur la touche par l'équipe de Biden dans tout ce qui est définition de la stratégie en Ukraine. Ok ? Donc, ils ne savent pas exactement quelle est l'idée de l'équipe de Biden, où ils veulent en venir, quel est leur plan à long terme, leur stratégie, est-ce que leurs objets, ils ne savent pas. Et parce qu'ils ne savent pas ce qui se passe, et qu'ils font des affaires en loose day avec Zelensky, notamment sur, toute cette aide qu'ils font voter au Congrès américain, au Parlement américain, dont ils reprennent une partie, c'est aussi l'affaire FTX avec Bankman-Fried, rappelez-vous l'histoire des cryptos, donc Biden faisait voter l'envoi d'armes direction l'Ukraine, une partie était revendue au marché noir. L'argent récupéré de cette manière-là était ensuite renvoyé au Parti démocrate américain, donc le parti de Biden, par une organisation, enfin une entreprise chargée de blanchir le pognon qui était FTX via les cryptos. Et c'était géré par le juif Bankman-Fried. Là, ce que révèle Hersh, c'est que c'est pareil avec le carburant. Donc si vous voulez, pourquoi la CIA... Alors, ce qu'on sait depuis Nord Stream 2, et là les choses commencent à s'éclairer, c'est que pourquoi Hersh parle maintenant et pourquoi il a des sources. Ben c'est la CIA qui lui donne les informations. La CIA a décidé de mettre la pression sur la Maison-Blanche parce que la CIA est laissée volontairement dans le flou par rapport à la prise de décision et apparemment aussi le Pentagone. Donc oui, ils exécutent, attention, hein, ils exécutent, ils reçoivent des consignes sur le terrain et tout, mais dans la prise de décision, ils sont laissés dans le flou. Ça les énerve, ils veulent savoir où ils vont. Et comme l'équipe de la Maison-Blanche refuse, ils ont décidé de gêner la Maison-Blanche aux entournures en commençant à diffuser des informations qui contredisent le narratif officiel, non seulement de Biden, mais de ses services. Donc toute la propagande que vous voyez aujourd'hui en France, c'est-à-dire LCI, BFM TV, avec tous leurs plateaux de connards qui vous disent « l'armée ukrainienne, c'est les meilleurs », BHL et compagnie, ça, c'est les équipes Biden, c'est toute cette clique-là. Mais les vrais durs du renseignement américain ne sont pas contents de ce qui se passe, parce qu'on ne leur demande pas leur avis. Et ils commencent à être inquiets. Et Seymour Hersh en parle, il dit notamment par rapport à ces deux divisions américaines, ces deux brigades déployées à la frontière ukrainienne, en Roumanie, ils se posent des questions parce qu'ils se disent, ils sont là pour quoi ? Ils sont là pour rassurer les Roumains, ou est-ce qu'ils sont là parce qu'on prépare une provocation contre les Russes ? Et on veut déployer ses troupes en Ukraine. Donc, il y a... En fait, il y a une part grandissante des officiers du renseignement américain dans la CIA et au sein du Pentagone, donc l'armée américaine, qui freinent. Parce qu'ils ne savent pas exactement où on veut les envoyer. On ne leur demande pas leur avis, on ne les informe pas, on ne leur présente aucune stratégie, on ne leur dit rien. Ils sont mis devant le fait accompli à chaque fois, et ils redoutent que la Maison-Blanche ait des projets beaucoup plus radicaux sur lesquels ils ne peuvent pas se prononcer et qui pourraient se terminer très mal. Voilà pourquoi Hersh a accès à ces informations-là. Il y a une opération qui vise à affaiblir Zelensky, affaiblir l'image de l'Ukraine, affaiblir tous les propagandistes qui disent que tout se passe bien, que l'Ukraine va gagner. Et donc ça passe déjà par évoquer que c'est pas les Russes qui ont fait péter Nord Stream, mais c'est bien les gars de la Maison-Blanche qui ont donné les ordres, avec l'aide des Britanniques d'ailleurs. Que Zelensky, c'est pas l'ange, le héros, machin, le mec, il fait du pognon sur les cadavres de sa propre armée, il en a rien à foutre. Ça, c'est le deuxième tir. Et troisième tir cette semaine, il y a quelques jours, c'est la publication d'informations top secrètes, dont on nous dit que c'est un jeune de 20 ans, qui a 20 et quelques années, c'est du flan. C'est des fuites organisées, ça. Et là aussi, c'est contre la Maison-Blanche. Parce que quand on lit les papiers, on apprend que là aussi, c'est pas ce qu'on nous racontait, que c'est pas l'Ukraine qui tue 7 Russes pour un Ukrainien, c'est pas du tout ce qu'il y a sur le terrain, et voilà. Donc je voulais votre avis là-dessus, je pense pas que vous serez surpris, mais il y a une espèce de rébellion interne en Amérique, parce que visiblement, je crois qu'ils commencent à s'inquiéter de la tournure générale, quoi, que c'est l'escalade totale qui est prévue, et qu'en plus, au passage, les gars se gavent comme pas permis, parce que là ils parlent d'un demi-milliard, mais c'est juste ce qu'on sait. Je parle même pas du reste. Quoi. Donc, votre avis ? Alors, les Américains, les Européens aussi, hein, parce que nous aussi, on en donne de l'argent à l'Ukraine. Hein. Bien sûr. J'ai lu qu'ils donnaient environ 50 milliards, l'Union Européenne donnait 50 milliards d'euros d'aide à l'Ukraine. Je suis pas sûr de rendre compte 50 milliards. Ça passe comme ça, je veux dire, vous avez voté, vous, des aides comme ça, personnelles à l'Ukraine. Il y a toujours des entités un peu, comment dire, des grands noms derrière, le fonds de machin. Mais en fait, à la fin, ça veut juste dire que les contribuables européens, Rappelle-toi du mot de Bruno Le Maire, on est à l'euro près. Ah ouais. Donc en gros, ce sont tous les trois plus grands PIB de l'Union européenne. Hein, donc les Allemands, nous les Français et puis les Italiens, d'accord. Donc on a payé pour 50 milliards, voilà. Donc vous n'avez pas en fait d'argent pour vos retraites, tout ça. Hein. Mais voilà. Et puis c'est un peu en mode focus, hein, c'est-à-dire qu'on donne de l'argent sous terme de prêt à taux zéro. Alors déjà à taux zéro. Hein. Donc les prêts à des pays en guerre, donc un prêt, donc normalement un prêt à la fin on vous le rend, hein. Je prête, on me le rend, c'est un pays en guerre, donc là vous allez prêter, mais vous pouvez toujours attendre le retour, à mon avis il n'y aura pas grand chose, quoi. Ça n'a absolument aucun sens. Quoi. Bien sûr, c'est des dons, mais ils disent que c'est des prêts à taux zéro, c'est pour faire passer la pilule dans l'opinion. C'est des prêts à durée illimitée, tu vois, ouais. C'est du pile-poule. Bien sûr. Bien sûr. On fait la même chose en Afrique. Hein. Vers l'Afrique, on envoie des milliards sous forme de prêts et c'est jamais remboursé. On efface les dettes. Enfin bref, c'est quelque chose qui a été bien rodé. Là, la différence, c'est effectivement que certaines personnes, en fait, qui prêtent, en profitent aussi directement. Le clan Biden, etc., ils en profitent directement, ils se payent sur l'argent du contribuable américain. Je pense qu'en Europe, c'est la même chose, même si on ne le sait pas, hein. Je vois pas pourquoi ils se priveraient. Et finalement, on voit que ça reste une constante. Les profiteurs de guerre, les gens qui ont intérêt à ce que la guerre continue, se développe, qu'on envoie toujours plus, parce qu'ils profitent directement. Ça, c'est pas nouveau, ça a toujours existé. Donc voilà, après maintenant, sur le fond de l'affaire, oui, Gandalf, tu l'as évoqué, là, il y a eu des documents secrets un petit peu étranges qui auraient fuité, etc. Bon, c'est un petit peu étrange cette histoire de documents. On voit que y a une, comment ça s'appelle, un groupe journalistique qui s'appelle Bellingcat, qui est beaucoup sur actif par rapport à cette diffusion, sachant que c'est un groupe journalistique qui est lié au MI6 britannique, donc encore les services secrets. Donc bon, pour l'instant, on a du mal à voir un petit peu précisément qu'est-ce qu'il en ressort, quel est le but de ça. T'as évoqué une piste, Gandalf, en disant que c'était probablement des divergences au sein des États-Unis entre la CIA et le clan Biden notamment, hein, mais pas que, l'État profond, on pourrait dire. Bon. Disons que ça a l'air assez compliqué, parce que oui, ce jeune homme, qui a un profil d'ailleurs vaguement d'extrême droite, qui a été accusé, c'est pareil. Il y a des choses pas claires. En même temps, au début du mois de mars, il y a le Restrict Act qui a été. Alors, je ne sais pas s'il a été voté, mais qui n'est pas encore appliqué, et qui va pousser à encore plus de surveillance des populations civiles américaines. Donc voilà, je pense qu'il y a, disons que pour l'instant c'est difficile de faire la lumière là-dessus, mais il y a plusieurs choses qui semblent imbriquées dans cette affaire. Ben, comment dire, l'objectif, au sein des États-Unis d'Amérique, dans l'appareil d'État, il y a une confrontation entre les spécialistes de la sécurité, renseignement et armée, et les politiques, la sphère purement politique civile. Okay? Et il faut comprendre que la guerre contre la Russie est une guerre commanditée par la finance juive new-yorkaise, qui joue son statut mondial à la fois contre la Russie et contre la Chine. Donc c'est une question de temps maintenant, c'est une question de quelques années. C'est une course contre la montre. Donc les impératifs sont financiers et politiques, puisque les politiques sont financées par les financiers. Et à côté de ça, vous avez des gens qui sont des spécialistes de la sécurité ou du renseignement, qui eux raisonnent vraiment en tant que spécialistes et techniciens de ces questions, sans regard pour la majorité du moment, puisque si vous voulez, ce sont des bureaucrates, ils font carrière, et eux, bon, un coup un président est de tel parti, un coup c'est un autre, mais eux ils font carrière sur 40 ans. Et donc ils ont une perspective beaucoup plus longue de ces questions. Donc quand ils voient tout d'un coup une direction politique qui les laisse, alors, entre guillemets, sur la touche, parce que c'est, ils sont pas intégralement sur la touche, ils ne peuvent pas être sur la touche intégralement, mais on va dire dans les grandes prises de décision, dans les grandes orientations, dans la communication, la façon de présenter les choses, de ne pas leur demander leur avis et de prendre leurs conseils, ça leur pose question. Alors, c'est probablement pas la première fois, mais maintenant, les enjeux deviennent quand même très lourds. Ce qui, à mon avis, explique pourquoi, tout d'un coup, on a cette résistance qui s'organise en interne. Parce que si c'était une guerre, comme en Afghanistan, une guerre périphérique, marginale, bon. Ils s'assoient dessus, c'est-à-dire qu'ils, bon, ils avalent leur fierté et ils laissent les politiciens faire ce qu'ils veulent. Mais là, on parle de la Russie, éventuellement d'une confrontation directe. Et là, bon, ils sont quand même, ils font leur travail d'une certaine manière. Ils disent, voilà, bon, si votre objectif c'est d'attaquer une puissance nucléaire comme la Russie, là, on a quelque chose à dire. Et vous devez entendre notre avis, que ça vous plaise ou pas. Voilà. En gros, c'est ce qui se passe. Et donc, il commence à saper les positions dans l'opinion publique américaine de l'administration Biden, parce qu'il y avait un fort consensus pour le soutien financier. Donc, bien sûr, au passage, ils se servent. La clique de Biden se sert, Zelensky, tout le monde se sert. Ça fait partie du jeu. C'est-à-dire que pour que tout le monde soit content et joue le jeu, on paye. Mais c'est le contribuable américain qui paye. Je pense aussi qu'il y a une autre dimension qui inquiète l'armée américaine. C'est le fait que tous les stocks américains sont en train d'être envoyés en Ukraine et face à la Chine, ils sont un petit peu, ils se retrouvent dans une situation critique, c'est-à-dire qu'ils pourraient être à court de moyens face à la Chine. Donc il y a aussi la gestion militaire qui leur déplaît. mais qui n'est pas prise en compte par les civils et les politiques, parce que eux, ils sont, ce sont des idéologues et aussi des gens intéressés, donc eux, ils s'intéressent assez peu à l'intendance et ils foncent. Et je pense qu'ils ont voulu mettre un gros coup de frein sur le climat médiatique autour de l'Ukraine, en Amérique même, j'entends. Parce qu'ils voyaient bien qu'au Parlement, ils votaient absolument toutes les rallonges financières, sans poser de questions, parce qu'il y avait un tel consensus autour du truc que Biden faisait voter n'importe quoi, enfin Biden et ses conseillers, et ils ont voulu enfoncer un coin, c'est voulu, voilà, qu'il y ait une discussion sur, d'abord, le montant du soutien, et plus généralement, la gestion de cette opération. Et je crois que ça explique pour toutes les fuites. Donc, la première de Hirsch sur Nord Stream, la deuxième sur la corruption de Zelensky, que tout le monde connaissait, je veux dire, mais voilà, il arrive avec des données. Et maintenant, les documents qui sont carrément fuités. Et là, c'est pas cohérent. Tout le monde voit bien qu'un gamin de 21 ans, fut-il dans... En plus, il est dans la garde nationale. Bon, la garde nationale, si vous voulez, c'est pas des unités de choc du tout. C'est de la réserve, c'est pas... Ces gens-là sont normalement même pas au contact d'informations de ce type. Donc, ils ont organisé des fuites, quoi. Et ils ont bien fait comprendre, parce que ça a été fuité sur un Discord, ça a été bien pensé. Ils ont organisé ça de telle manière que l'équipe Biden soit dans le flou. C'est-à-dire que ils font comprendre qu'il y a une partie des infos qui a été divulguée, mais il y en a d'autres en stock. Vous voyez, c'est ça l'intérêt de dire, voilà, ça... Les fuites ont commencé sur le Discord au mois de mars. Et ça s'est su que des semaines plus tard. Et il y en a d'autres dans la nature. Et là, l'équipe Biden dit, mais qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce qu'ils ont entre leurs mains? Et c'est là que tu vois que c'est un jeu politique en interne. C'est-à-dire que les mecs disent, bon voilà, on vous a donné un aperçu de ce qu'on a. On est sérieux, on blague pas. Donc voilà, maintenant nos conditions, vous avez intérêt de changer de comportement. Si vous refusez, on fera d'autres révélations sur ce que... Évidemment, ils savent tout. Donc, et voilà, donc ils resserrent la laisse par étape dans l'espoir que les autres arrêtent. Et moi, je vais te dire un truc. Je vais dire un truc aussi, enfin, de manière générale. Ils en ont rien à branler à la Maison-Blanche. Parce que dans leur tête, c'est déjà tranché. Il y aura une guerre généralisée. Et quand la guerre sera déclarée, ils vont plus se soucier de l'intendance. Ils vont se dire, tous ces mecs-là, de la CIA, du Pentagone, ils seront obligés de suivre. Parce que la guerre sera déclarée, et ils seront obligés de suivre. Et peut-être même que ces révélations vont convaincre les mecs de la Maison-Blanche d'accélérer. De dire, vous voyez, là, ça commence à fuiter à droite. Il va falloir qu'on accélère le rythme, là, pour vraiment qu'il n'y ait pas de traînard, quoi. Et je pense que ça va se précipiter. Le voyage de Macron en Chine, il est assez parlant aussi. Vous voyez, il est allé là-bas, il a dit, bon, mais s'il y a une embrouille en Taïwan, bon, grosso modo, nous, on va pas s'en mêler. Bon, bah déjà, l'armée française, parce qu'elle n'a pas les moyens, déjà, c'est... bon, ce qui est quand même... une bonne base de départ pour être neutre dans un conflit, c'est que quand t'as pas les moyens militaires, déjà t'es vite, quoi. Et je pense c'est comme quand il a fait sa déclaration sur l'Ukraine, quand quelqu'un lui a dit, et c'était la réaction de la journaliste de TF1 qui m'avait stupéfié, on lui avait dit, mais si jamais les Russes utilisent l'arme nucléaire en Ukraine, est-ce que la France ripostera? Macron a dit non, mais bien sûr, c'est hors de question. Et la journaliste avait ah bon, mais elle avait insisté. Bon, c'était une femme, bien sûr, mais je veux dire, apparemment, c'était quand Macron a dit qu'on n'allait pas balancer la bombe nucléaire sur la Russie parce qu'ils en balanceraient éventuellement une sur l'Ukraine, apparemment, c'était choquant pour la classe journalistique. Comme si on devait rentrer tranquillement dans une guerre nucléaire contre la Russie, tu vois, ce qui veut dire l'oblitération de l'humanité, quoi, grosso modo. Et apparemment, on devait rentrer là-dedans, comme ça. Et Macron a été obligé quand même de rappeler deux, trois... Et ça a été controversé. C'est-à-dire le fait que Macron rappelle un truc aussi évident que ça, que, en plus c'est conforme à l'attitude stratégique française, à savoir que tant qu'il n'y a pas d'attaque nucléaire contre la France ne riposte pas. Bah, apparemment, c'était controversé. Ça n'allait pas de soi, quoi. Et ce qu'il a dit en Chine, c'est la même chose. Il a dit, les gars, on va pas rentrer dans un conflit comme ça. Oubliez, quoi. Ils étaient tous fous. Ils étaient tous fous. Macron a pris des sauts de merde pour avoir dit ça, quoi. Donc, il a bien des défauts, mais en fait, pourquoi il a dit ça? Parce que c'est une lucidité minimale. La France ne peut pas rentrer dans une guerre contre la Chine, ok? C'est pas possible, ok? Ça, d'abord, ça ne veut rien dire, parce que la France n'a pas d'armée à déployer contre la Chine, déjà, d'une. Et deuxièmement, bon, pas besoin de dire ce que représente la Chine, donc on oublie. Mais le dire, il s'est fait incendier. D'accord ? Le manque d'empressement à ne pas vouloir se faire complètement annihiler dans une guerre nucléaire, ça a suffi. Donc ça vous dit ce qui est déjà décidé dans la coulisse. Parce qu'en fait, les médias, beaucoup de journalistes que vous voyez sur les plateaux en savent beaucoup plus long que ce qu'ils disent publiquement. Ils sont informés, ils sont briefés, on leur dit de donner telle ou telle consigne, et généralement, ils sont prévenus bien à l'avance de la direction générale. D'accord ? Les grands journalistes de BFM TV, etc. Ils sont briefés, c'est comme dans les systèmes communistes, ils reçoivent leurs consignes. Donc quand tout d'un coup, il y a un mec comme ça qui dit non, enfin, même le chef de l'État, il dit non, on va pas... Ça contredit totalement ce qu'on leur a dit. Par ailleurs. Et ils réagissent en conséquence. Donc la situation générale est beaucoup plus grave que ce qu'on raconte aux gens. Mais ça sera comme en 1914. En 1914, on n'a pas passé l'année précédente à dire aux Français « on va dans la guerre mondiale ». On leur a rien dit. On leur a rien dit. Les gens l'ont découvert en août 14. Le Français qui a entendu les cloches sonner, il a commencé à comprendre qu'il se passait un truc, s'il était bien informé, environ 2 semaines avant. Alors que tout ça a été décidé des années avant, pour ceux qui, maintenant, on le sait, historiquement, il y a eu beaucoup de... C'est pareil, sauf que maintenant, avec Internet, on a énormément de sources d'informations, ce qui n'était pas le cas à l'époque. Maintenant, on est très bien informé, et même s'il y a beaucoup de choses qui sont cachées, on sait quand même ce qui est en train de se tramer. Et ben voilà. Donc c'était intéressant, la visite de Macron en Chine, pour ça. Essayer de... Mais en définitive, ça dépend pas de Macron. Hein. Je veux dire, si l'Amérique décide d'entrer en guerre, ça sera réglé, quoi. Vous voyez, voilà. Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses, Nogaret, est-ce que t'as quelque chose à rajouter, éventuellement? Non, bah, comment dire, je pense que ton constat est plutôt juste, donc non, pas spécialement autre chose à rajouter. Du coup, on peut se séparer là-dessus. Et on se dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.